Elle est là, cher Mercure. Où cela, Jupiter? Tu vois, la fenêtre éclairée dont la brise remue le voile. Alcmène est là. Ne bouge point. Dans quelques minutes, tu pourras peut-être voir passer son ombre. À moi, cette ombre suffira. Mais je vous admire, Jupiter, quand vous aimez une mortelle, de renoncer à vos privilèges divins et de perdre une nuit au milieu de cactus et de ronces pour apercevoir l'ombre d'Alcmène, alors que de vos yeux habituels, vous pourriez si facilement percer les buis de sa chambre, pour ne pas parler de son linge. Et toucher son corps de mains invisibles pour elle, et l'enlacer d'une étreinte qu'elle ne sentirait pas. Le vent aime ainsi, et il n'en est pas moins autant que vous un des principes de la fécondité. Tu ne connais rien à l'amour terrestre, Mercure. Vous m'obligez trop souvent à prendre figure d'homme pour l'ignorer. À votre suite, parfois j'aime une femme, mais pour l'aborder, il faut lui plaire, puis la déshabiller, la rhabiller, puis pour obtenir de la quitter, lui déplaire. C'est tout un métier. J'ai peur que tu n'ignores les rites de l'amour humain. Ils sont rigoureux. De leur observation seule naît le plaisir. Je connais ces rites. Tu la suis d'abord, la mortelle, d'un pas étoffé et égal au sien, de façon à ce que tes jambes se déplacent du même écart, d'où naît dans la base du corps le même appel et le même rythme. Forcément, c'est la première règle. Puis, bondissant, de la main gauche tu presses sa gorge, où siègent à la fois les vertus et la défaillance. De la main droite tu caches ses yeux, afin que les paupières, par celle la plus sensible de la peau féminine, devinent à la chaleur et aux lignes de ta paume ton désir d'abord, puis ton destin et ta future et douloureuse mort, car il faut un peu de pitié pour achever la fin. Deuxième prescription, je la sais par cœur. Enfin, ainsi conquise, tu délies sa ceinture, tu l'étends avec ou sans coussin sous la tête, suivant la teneur plus ou moins riche de son sang. Je n'ai pas le choix, c'est la troisième et dernière règle. Et ensuite, que fais-tu? Qu'éprouves-tu? Ensuite, ce que j'éprouve. Vraiment rien de particulier, tout à fait comme avec Vénus. Alors pourquoi viens-tu sur la Terre? Comme un vrai humain, par laisser aller. Avec sa dense atmosphère et ses gazons, c'est la planète où il est le plus doux d'atterrir et de séjourner, bien qu'évidemment ses métaux, ses essences, ses êtres sont forts et que je sois le seul astre qui ait l'odeur d'un fauve. Regarde le rideau, regarde vite. Ah, je vois. C'est son ombre. Non, pas encore. C'est d'elle ce que ce tissu peut prendre de plus irréel, de plus impalpable. C'est l'ombre de son ombre. Tiens, la silhouette se coupe en deux. C'était deux personnes enlacées. Ce n'était pas du fils de Jupiter que cette ombre était grosse, mais simplement de son mari. Car c'est lui, du moins, je l'espère pour vous, ce géant qui s'approche et qui l'embrasse encore. Oui, cet Amphitryon, son seul amour. Je comprends pourquoi vous renoncez à votre vue divine, Jupiter. Voir l'ombre du mari à coller l'ombre de sa femme est évidemment moins pénible que de suivre leur jeu en chair et en couleur. Elle est là, cher Mercure, enjouée, amoureuse. Et docile à ce qu'il paraît. Et ardente. Et comblée, je vous le parie. Et fidèle. Fidèle au mari ou fidèle à soi-même, c'est là la question. L'ombre a disparu. Alcmène s'étend sans doute dans sa langueur pour s'abandonner au chant de ces trop heureux rossignols. N'égarez pas votre jalousie sur ces oiseaux, Jupiter. Vous savez parfaitement le rôle désintéressé qu'ils jouent dans l'amour des femmes. Pour plaire à celle-là, vous vous êtes déguisé parfois en taureau, jamais en rossignol. Non, non, tout le danger réside dans la présence du mari de cette belle blonde. Comment sais-tu qu'elle est blonde? Elle est blonde et rose. Toujours rehaussé au visage par du soleil, à la gorge par de l'aurore. Et là où il le faut, par toute la nuit. Tu l'inventes ou tu l'as épié? Tout à l'heure, pendant son bain, j'ai simplement repris une minute mes prunelles de Dieu. Oh. Non, ne vous fâchez pas, me voici myope à nouveau. Tu mens. Je le devine à ton visage. Tu la vois. Il est un reflet, même sur le visage d'un dieu, que donne seulement la phosphorescence d'une femme. Je t'en supplie. Que fait-elle? Je la vois, en effet. Elle est seule. Elle est penchée sur un Amphitryon étendu. Elle soupèse sa tête en riant, elle la baise, puis la laisse retomber tant ce baiser l'a alourdi. La voilà de face. Tiens, je m'étais trompé, elle est toute, toute blonde. Et le mari? Brun, tout brun. La pointe des seins abricot. Je te demande ce qu'il fait. Il la flatte de la main ainsi qu'on flatte un jeune cheval. C'est un cavalier célèbre d'ailleurs. Et Alcmène? Elle a fui à grandes enjambées. Elle a pris un pot d'or et revenant à la dérobée, se prépare à verser sur la tête du mari une eau fraîche. Vous pouvez la rendre glaciale, si vous voulez. Pour qu'il s'énerve, certainement. Ou bouillante. Il me semblerait être bouillante et Alcmène. Tant l'amour d'une épouse, c'est faire de l'épouse une part d'elle-même. Mais enfin, que comptez-vous faire avec la part d'Alcmène qui n'est pas Amphitryon? L'étreindre. La féconder. Mais par quelle entreprise? La principale difficulté avec les femmes honnêtes n'est pas de les séduire, c'est de les amener dans des endroits clos. Leur vertu est faite de portes entrouvertes. Quel est ton plan? Plan humain ou plan divin? Et quelle serait la différence? Plan divin, l'élever jusqu'à nous, l'étendre sur des nuées, lui laisser reprendre après quelques instants, lourde d'un héros, sa pesanteur. Je manquerai ainsi le plus beau moment de l'amour d'une femme. Il y en a plusieurs, lequel? Le consentement. Alors prenez le moyen humain. Entrez par la porte, passez par le lit, sortez par la fenêtre. Elle n'aime que son mari. Empruntez la forme du mari. Il est toujours là, il ne bouge plus du palais. Il n'y a pas plus casanier, si ce n'est les tigres, que les conquérants au repos. Éloignez-le. Il est une recette pour éloigner les conquérants de leur maison. La guerre? Faites déclarer la guerre à Thèbes. Mais Thèbes est en paix avec tous ses ennemis. Faites-lui déclarer la guerre par un pays ami. Ce sont les services qui se rendent entre voisins. Et toi, le trompette de jour? Si j'ose dire, oui. Et toi, qui es-tu? Tu ressembles à quelqu'un que je connais. Ça m'étonnerait. Je suis sosie. Qu'attends-tu, sonne? Que dit-elle, votre proclamation? Tu vas l'entendre. C'est pour un objet perdu? Pour un objet retrouvé. Et sonne, te dis-je. Tu ne penses pas que je vais sonner sans savoir de quoi il s'agit? Tu n'as pas le choix, tu n'as qu'une note à ta trompette. Je n'ai qu'une note à ma trompette, mais je suis compositeur d'hymne. D'hymne à une note? Dépêche-toi, Orion paraît. Orion paraît, mais si je suis célèbre parmi les trompettes à une note, c'est qu'avant de sonner, ma trompette à la bouche, j'imagine d'abord tout un développement musical et silencieux, dont ma note devient la conclusion. Ça lui donne une valeur inattendue. Hâte-toi, la ville s'endort. La ville s'endort, mais mes collègues, je te le répète, en enrage de jalousie. On m'a dit qu'aux écoles de trompette, ils s'entraînent uniquement désormais à perfectionner la qualité de leur silence. Dis-moi donc de quel objet perdu il s'agit pour que je compose mon air muet en conséquence. Il s'agit de la paix. De quelle paix? Et de ce qu'on appelle la paix, de l'intervalle entre deux guerres. Tous les soirs, Amphitryon ordonne que je lise une proclamation aux Thébains. C'est un reste des habitudes de campagne. Il a remplacé l'ordre du jour par l'ordre de nuit. Sur les manières diverses de se protéger des insectes, des orages, du hoquet, sur l'urbanisme, sur les dieux, toutes sortes de conseils d'urgence. Ce soir, il leur parle de la paix. Je vois. Quelque chose de pathétique, de sublime. Écoute. Non! De discret. À mon tour maintenant. C'est vers les auditeurs qu'on se tourne quand on lit un discours, non vers l'auteur. Pas chez les hommes d'État. D'ailleurs, là-bas, ils dorment tous. Pas une seule lumière. Ta trompette n'a pas porté. S'ils ont entendu mon hymne muet, cela me suffit. Ô Thébains, voici la seule proclamation que vous puissiez entendre dans vos lits et sans qu'il soit besoin de vous tirer du sommeil. Mon maître, le général Amphitryon, veut vous parler de la paix. Quoi de plus beau que la paix? Quoi de plus beau qu'un général qui vous parle de la paix? Quoi de plus beau qu'un général qui vous parle de la paix des armes dans la paix de la nuit? Qu'un général? Tais-toi! Deux généraux. Dormez, Thébains. Il est bon de dormir sur une patrie que n'éventrent point les tranchées de la guerre, sur des lois qui ne sont pas menacées, au milieu d'oiseaux, de chiens, de chats, de rats, qui ne connaissent pas le goût de la chair humaine. Il est bon de porter son visage national, non pas comme un masque à effrayer ceux qui n'ont pas le même teint, le même poil, mais comme l'ovale le mieux fait pour exposer le rire et le sourire. Il est bon, au lieu de reprendre l'échelle des assauts, de monter vers le sommeil par l'escabeau des déjeuners, des dîners, des soupers, de pouvoir entretenir en soi sans scrupule la tendre guerre civile des ressentiments, des affections, des rêves. Dormez. Quelle plus belle panoplie que vos corps sans armes et tout nus, étendus sur le dos, bras écartés, chargés uniquement de leur nombril. Jamais nuit n'a été plus claire, plus parfumée, plus sûre. Dormez. Dormons. Entre l'Ilissus et son affluent, nous avons fait un prisonnier, un chevreuil venu de Thrace. Entre le mont Olympe et le Tégète, par une opération habile, nous avons fait sortir des sillons un beau gazon qui deviendra le blé et lancer sur les seringas deux vagues entières d'abeilles. Sur les bords de la mer Égée, la vue des flots et des étoiles n'oppresse plus le cœur. Et dans l'archipel, nous avons capté 1000 signaux, de temples à astres, d'arbres à maisons, d'animaux à hommes, que nos sages vont s'occuper des siècles à déchiffrer. Des siècles de paix nous menacent. Maudite soit la guerre. Tu dis? Je dis ce que j'ai à dire, maudite soit la guerre. Tu sais que tu le dis? Non. Un guerrier. Ah, il y a différentes sortes de guerres. Pas de guerrier. Où est ton maître? Dans cette chambre, la seule éclairée. Le brave général. Il étudie ses plans de bataille? Sans aucun doute. Il les lisse. Il les caresse. Quel grand stratège. Il les étend près de lui. À eux colle sa bouche. C'est la nouvelle théorie. Porte-lui ce message à l'instant. Qu'il s'habille, qu'il se hâte. Et ses armes sont en état? Un peu rouillées. Accrochées du moins à des clous neufs. Qu'as-tu à hésiter? Ne peux-tu attendre demain? Jusqu'à ces chevaux se sont couchés ce soir. Ils se sont étendus sur le flanc comme des humains, si grande est la paix. Les chiens de garde ronflent au fond de la niche, sur laquelle perche un hibou. Les animaux ont tort de se confier à la paix humaine. Écoute, de la campagne, de la mer, résonne partout ce murmure que les vieillards appellent l'écho de la paix. C'est dans ces moments-là qu'éclate la guerre. La guerre? Les Athéniens ont rassemblé leurs troupes et passé la frontière. Tu mens, ce sont nos alliés. Si tu veux, nos alliés donc nous envahissent. Ils prennent des otages, ils les supplicient. Réveille Amphitryon. Oh, si j'avais à ne le réveiller que du sommeil et non du bonheur. Ce n'est vraiment pas de chance. Le jour de la proclamation sur la paix. Personne ne l'a entendu. Va, et toi demeure. Sonne ta trompette. Il s'agit de quoi? De la guerre. Ah, je vois. Quelque chose de pathétique, de sublime. Non! De gêne. Réveillez-vous, Thébain! Voici la seule proclamation que vous ne puissiez entendre endormi. Que tous ceux dont les corps sont forts et sans défaut s'isolent à ma voix de cette masse suante et haletante, confondue dans la nuit. Levez-vous! Prenez vos armes! Ajoutez à votre poids cet appoint de métal pur qui seul donne le vrai alliage du courage humain. Ce que c'est, la guerre! Ce qu'il crie, c'est l'égalité! C'est la liberté, la fraternité, c'est la guerre. Vous tous pauvres, que la fortune a injustement traité, venez vous venger sur vos ennemis. Vous tous riches, venez connaître la suprême jouissance, faire dépendre le sort de vos trésors, de vos joies, de vos favorites, du sort de votre patrie. Vous joueurs, venez jouer votre vie. Ah, vous jouisseurs impies, la guerre vous permet tout. D'aiguiser vos armes sur les statues mêmes des dieux. De choisir entre les lois, entre les femmes. Vous paresseux aux tranchées, la guerre est le triomphe de la paresse. Vous, hommes diligents, vous avez l'intendance. Vous, qui aimez les beaux enfants, vous savez qu'après les guerres, un mystère veut qu'il naisse plus de garçons que de filles, excepté chez les Amazones. Ah, j'aperçois là-bas dans cette chaumière la première lampe que le cri de la guerre est allumée. Voilà la seconde. La troisième, que toutes s'allument. Ah, premier incendie de la guerre, le plus beau qui incendie la ligne des familles. Levez-vous, rassemblez-vous. Car qui oserait préférer à la gloire d'aller pour la patrie souffrir de la faim, souffrir de la soif, s'enliser dans les boues, mourir à la perspective de rester loin du combat dans la nourriture et la tranquillité? Moi. D'ailleurs, ne craignez rien. Le civil s'exagère les dangers de la guerre. On m'affirme que se réalisera enfin cette fois ce dont est persuadé chaque soldat au départ pour la guerre. Que par un concours divin de circonstances, il n'y aura pas un mort et que tous les blessés le seront au bras gauche, excepté les gauchers. Allez, formez vos compagnies! C'est là le grand mérite des patries, en réunissant les êtres éparpillés d'avoir remplacé le duel par la guerre. Ah, que la paix se sent honteuse! Elle qui accepte pour la mort les vieillards, les malades, les infirmes. De voir que la guerre n'entend livrer au trépas que des hommes vigoureux et parvenus au point de santé le plus haut où puissent parvenir les hommes. C'est cela. Mangez, buvez un peu avant votre départ. Ah, qu'il est bon à la langue le restant de pâté de lièvre arrosé de vin blanc. Entre l'épouse en larmes et les enfants qui sortent du lit un par un par ordre d'âge comme ils sont sortis du néant. Guerre! Salut! Voilà Sosie. Ton maître est prêt? Il est prêt. C'est ma maîtresse qui n'est pas tout à fait prête. Il est plus facile de revêtir l'uniforme de la guerre que celui de l'absence. Elle est de celle qui pleure? De celle qui sourit. Mais les épouses guérissent plus facilement des larmes que d'un tel sourire. Les voilà. Je t'aime, Amphitryon. Je t'aime, Alcmène. C'est bien là le malheur. Si nous avions chacun un tout petit peu de haine l'un pour l'autre, cette heure en serait moins triste. Il n'y a plus à nous dissimuler, femme adorée, nous ne nous haïssons point. Toi qui vis près de moi toujours distrait, sans te douter que tu as une femme parfaite, tu vas enfin penser à moi dès que tu seras loin, tu le promets. J'y pense déjà, chérie. Ne te tourne pas ainsi vers la lune, je suis jalouse d'elle. Quelle pensée prendrais-tu d'ailleurs de cette boule vide? De cette tête blonde, que vais-je prendre? Deux frères, le parfum et le souvenir. Comment tu t'es rasé? On se rase maintenant pour aller à la guerre? Tu comptes paraître plus redoutable avec la peau poncée. J'abaisserai mon casque, la méduse y est sculptée. C'est le seul portrait de femme que je te permette. Oh, tu t'es coupé. Tu saignes. Laisse-moi boire sur toi le premier sang de cette guerre. Vous buvez encore votre sang, adversaire? À notre santé mutuelle, oui. Ne plaisante pas. Abaisse plutôt ce casque que je te regarde avec l'œil d'un ennemi. Apprête-toi à frémir. Que la méduse est peu effrayante quand elle regarde avec tes yeux. Tu la trouves intéressante, cette façon de natter ses cheveux? Ce sont des serpents taillés en plein or. En vrai or? En or vierge, les cabochons sont deux émeraudes. Méchant mari, comme tu es coquet avec la guerre. Pour elle, les bijoux, les joues lisses. Pour moi, la barbe naissante, l'or non vierge. Et tes jambières, en quoi sont-elles? En argent, les nielles de platine. Elles ne te servent pas? Tes jambières d'acier sont bien plus souples pour la course. Tu as vu courir des généraux en chef? En somme, tu n'as rien de ta femme sur toi. Tu ne t'habillerais pas autrement pour un rendez-vous. Avoue-le, tu vas combattre les Amazones. Si tu mourais au milieu de ces excités, cher époux, on ne trouverait sur toi rien de ta femme, aucun souvenir, aucune marque. Quelle vexation pour moi! Je vais te mordre au bras avant ton départ. Quelle tunique portes-tu sur toi, cuirasse? L'églantine avec les galons noirs. Voilà donc ce que j'aperçois à travers les joints quand tu respires et qu'ils s'ouvrent et qui te fait cette chair d'aurore. Respire. Respire encore. Et laisse-moi entrevoir ce corps rayonnant au fond de cette triste nuit. Oh, tu restes encore un peu. Tu m'aimes. Oui, j'attends mes chevaux. Relève un peu ta méduse. Et celle-là sur les étoiles. Regarde, elle n'en scintille que mieux. Elles ont de la chance, elles s'apprêtent à te guider. Les généraux ne lisent pas leur chemin dans les étoiles. Je sais, ce sont les amiraux. Laquelle choisis-tu pour que nos yeux se portent sur elle, demain et chaque soir à cette heure de la nuit? Même s'ils me parviennent par une aussi lointaine et banale entremise, j'aime tes regards. Choisissons. Voici Vénus, notre amie commune. Je n'ai pas confiance en Vénus. Tout ce qui touche mon amour... J'en aurai soin moi-même. Voici Jupiter. C'est un beau nom. Il n'y en a pas une sans nom. Cette petite là-bas, appelée par tous les astronomes l'étoile anonyme. Cela aussi est un nom. Laquelle a lui sur tes victoires? Parle-moi de tes victoires, chérie. Comment les gagnes-tu? Dis à ton épouse ton secret. Tu les gagnes en chargeant, en criant mon nom, en forçant cette barrière ennemie au-delà de laquelle seulement se retrouve tout ce qu'on a laissé derrière soi. Sa maison, ses enfants, sa femme... Non, chérie. Explique. Je les gagne par l'enveloppement de l'aile gauche avec mon aile droite, puis par le sectionnement de leur aile droite entière par mes trois quarts d'aile gauche, puis par des glissements répétés de ce dernier quart d'aile qui me donne la victoire. Quel beau combat d'oiseau! Combien en as-tu gagné, aigle chéri? Une seule. Cher époux, auquel un seul triomphe a valu plus de gloire qu'à d'autres une vie de conquête. Demain, cela fera deux, n'est-ce pas? Car tu vas revenir, tu ne seras pas tué. Demande au destin. Tu ne seras pas tué, ce serait trop injuste. Les généraux en chef ne devraient pas être tués. Pourquoi? Comment pourquoi? Ils ont les femmes les plus belles, les palais les mieux tenus. La gloire. Tu as la plus lourde vaisselle d'or de Grèce, chérie. Une vie humaine n'a pas à s'envoler sous ce poids. Tu as Alcmène. Aussi penserai-je Alcmène pour mieux tuer mes ennemis. Tu les tues comment? Je les atteins avec mon javelot. Je les abats avec ma lance et je les égorge avec mon épée que je laisse dans la plaie. Et tu es désarmé après chaque mort d'ennemi comme l'abeille après sa piqûre. Je ne vais plus dormir, ta méthode est trop dangereuse. Tu en as tué beaucoup? Un seul. Tu es bon, chérie. C'était un roi, un général? Non, un simple soldat. Tu es modeste. Tu n'as pas de ces préjugés qui, même dans la mort, isolent les gens par caste. Lui as-tu laissé une minute entre la lance et l'épée pour qu'il te reconnaisse et comprenne à quel honneur tu daignais ainsi l'appeler? Oui, il regardait ma méduse, lèvres sanglantes, d'un pauvre sourire respectueux. Il t'a dit son nom avant de mourir? C'était un soldat anonyme. Ils sont un certain nombre comme cela, oui. C'est juste le contraire des étoiles. Pourquoi n'a-t-il pas dit son nom? Je lui aurais élevé un monument dans le palais. Toujours son autel aurait été pourvu d'offrandes et de fleurs. Aucune ombre aux enfers n'aurait été plus choyée que le tuer de mon époux. Oh, cher mari, je me réjouis que tu sois l'homme d'une seule victoire, d'une seule victime, car peut-être aussi es-tu l'homme d'une seule femme. Ce sont tes chevaux. Embrasse-moi. Non, non, les miens vont l'amble. Mais je peux t'embrasser quand même. Doucement, chérie. Ne te presse pas trop fort contre moi, tu te ferais mal. Je suis un mari de fer. Tu me sens à travers ta cuirasse. Je sens ta vie et ta chaleur par tous les joints où peuvent m'atteindre les flèches du matin. Et toi ? Un corps aussi est une cuirasse. Souvent étendu dans tes bras même, je t'ai senti plus lointain et plus froid qu'aujourd'hui. Souvent aussi, Alcmen, je t'ai pressé plus triste et plus désolé contre moi. Et cependant, je partais pour la chasse et non pour la guerre. Et voilà que tu souris. On dirait que cette annonce subite de la guerre t'a soulagé de quelque angoisse. Tu n'as pas entendu l'autre matin, sous notre fenêtre, cet enfant pleurer ? Tu n'as pas vu là un sinistre présage ? Oh, le présage commence au coup de tonnerre dans le ciel serein et encore avec l'éclair triple. Le ciel était serein et cet enfant pleurait. Pour moi, c'est le pire présage. Oh, ne sois pas superstitieuse, Alcmen. Tiens-t'en aux prodiges officiels. Ta servante a-t-elle donné naissance à une fille cousue et palmée ? Non, mais mon cœur se serrait, des larmes coulaient de mes yeux au moment où je croyais rire. J'avais la certitude qu'une menace terrible planait au-dessus de notre bonheur. Grâce à Dieu, c'était la guerre. Et j'en suis presque soulagée. Car la guerre, au moins, est un danger loyal. Et j'aime mieux les ennemis à glaives et à lances. Ce n'était que la guerre. Que pouvais-tu craindre à part la guerre ? Nous avons la chance de vivre jeunes sur une planète encore jeune, où les méchants n'en sont qu'aux méchancetés primaires, aux viols, aux parricides, aux incestes. Nous sommes aimés ici. La mort nous trouvera tous deux unis contre elle. Que pouvait-on bien menacer autour de nous ? Notre amour. Je craignais que tu ne me trompes. Je te voyais dans les bras des autres femmes. De toutes les autres ? Une ou mille, peu importe. Tu étais perdu pour Alcmen. L'offense était la même. Tu es la plus belle des Grecs. Aussi n'était-ce pas les Grecs que je craignais ? Je craignais les déesses et les étrangères. Tu dis ? Je craignais d'abord les déesses. Quand elles naissent soudain du ciel ou des eaux, roses sans fard, nacrées sans poudre, avec leurs jeunes gorges et leurs regards de ciel, et qu'elles vous enlacent soudain de chevilles, de bras plus blancs que la neige et plus puissants que des leviers, il doit être bien difficile de leur résister, n'est-ce pas ? Pour tout autre que moi, évidemment. Mais comme tous les dieux, elles se vexent d'un rien et veulent être aimées. Tu ne les aimais pas ? Je n'aimais pas non plus les étrangers. Elles t'aimaient. Elles aiment tout homme marié, tout homme qui appartient à une autre, fût-ce à la science ou à la gloire. Quand elles arrivent dans nos villes avec leurs superbes bagages, les belles, à peu près nues sous leur soie ou leur fourrure, les laides portant arrogamment leur laideur comme une beauté, parce que c'est une laideur étrangère, c'en est fini dans l'armée et dans l'art de la paix des ménages. Car le goût de l'étranger agit plus puissant sur un homme que le goût du foyer. Comme un aimant, les étrangères attirent sur elles les pierres précieuses, les manuscrits rares, les plus belles fleurs et les mains des maris. Et elles s'adorent elles-mêmes car elles restent étrangères à elles-mêmes. Voilà ce que je redoutais pour toi, cher époux, quand j'étais harcelée par tous ces présages. Je craignais tous les noms de saison, de fruits, de plaisirs prononcés par un accent nouveau. Je craignais tous les actes de l'amour touchés d'un parfum ou d'une hardiesse inconnue. Je craignais une étrangère. Or, c'est la guerre qui vient. Presque une amie. Je lui dois de ne pas pleurer devant elle. Oh, Alcmen, femme chérie, sois satisfaite. Lorsque je suis auprès de toi, tu es mon étrangère, et tout à l'heure, dans la bataille, je te sentirai mon épouse. Attends-moi donc sans crainte. Je serai bientôt revenu et ce sera pour toujours. Une guerre est toujours la dernière des guerres. Celle-ci est une guerre entre voisins, elle sera brève. Nous vivrons heureux dans notre palais et quand l'extrême vieillesse sera là, j'obtiendrai d'un dieu pour la prolonger qu'il nous change en arbre comme Philémon et Baucis. Cela t'amusera de changer de feuilles chaque année. Nous choisirons des feuillages toujours verts. Le laurier me va bien. Et nous vieillirons. Et l'on nous coupera. Et l'on nous brûlera. Et les cendres de nos branches et de nos écorces se mêleront. Alors autant unir dès la fin de notre vie humaine les cendres de nos chairs et de nos os. Cette fois, ce sont eux, il faut partir. Qui, eux ? Ton ambition, ton orgueil de chef ? Ton goût du carnage et de l'aventure ? Non, simplement, et la phocéphale et Hypsipyla, mes chevaux. Alors pars. J'aime mieux te voir partir sur ces croupes débonnaires. Tu ne me dis rien d'autre ? N'ai-je pas tout dit ? Que font les autres épouses ? Elles affectent de plaisanter. Elles tendent votre bouclier en disant... Reviens dessus ou dessous, elle vous crie. N'aie d'autre peur que de voir tomber le ciel sur ta tête. Ma femme serait-elle mal douée pour les mots sublimes ? J'en ai peur. Trouver une phrase qui irait moins à toi qu'à la postérité, j'en suis bien incapable. Tout ce que je peux te dire, ce sont ces paroles qui meurent doucement sur toi en te touchant. Amphitryon, je t'aime. Amphitryon, reviens vite. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de place dans les phrases quand on a prononcé d'abord ton nom. Il est si long. Mets le nom à la fin. Adieu, Alcmène. Amphitryon. Alcmène, ma maîtresse. Que veux-tu, Sosie ? J'ai un message pour vous de la part de mon maître. Que dis-tu ? Il est encore à portée de la voix. Et justement, personne ne doit vous entendre. Mon maître me charge de vous dire, premièrement, qu'il feint de partir avec l'armée. Deuxièmement, qu'il reviendra cette nuit même, dès qu'il aura donné ses ordres. L'état-major campe à quelques lieues à peine, la guerre semble devoir être bénigne, et tous les soirs, Amphitryon fera ce voyage qu'il faut tenir secret. Je ne te comprends pas, Sosie. Mon maître me charge de vous dire, princesse, qu'il feint de partir avec l'armée. Que tu es bête, Sosie. Comme tu sais peu ce que doit être le secret. Il faut feindre de l'ignorer ou de ne pas l'entendre dès qu'on le connaît. Très bien, maîtresse. D'ailleurs, vraiment, je n'ai pas compris un mot de ce que tu disais. Il faut veiller, princesse, et attendre mon maître, car il me charge de vous dire... Tais-toi, s'il te plaît, Sosie, je vais dormir. Vous les avez entendus, Jupiter ? Comment, Jupiter ? Je suis Amphitryon. Ne croyez pas m'y tromper, on devine le dieu à 20 pas. C'est la copie exacte de ses vêtements. Il s'agit bien de vêtements. D'ailleurs, sur le chapitre vêtements, vous aussi vous vous trompez. Regardez-les. Vous sortez des ronces et ils n'ont aucune éraflure. Je cherche en vain sur eux cet élan vers l'usure et vers l'avachissement qu'ont les tissus des meilleures marques le jour où on les étrenne. Vous avez des vêtements éternels. Je suis sûr qu'ils sont imperméables, qu'ils ne déteignent pas, et que si une goutte d'huile tombe sur eux de la lampe, elle ne fera aucune tache. Ce sont là les vrais miracles pour une bonne ménagère comme Alcmène, et elle ne s'y trompera pas. Tournez-vous. Que je me tourne. Les hommes comme les dieux s'imaginent que les femmes ne les voient jamais que de face. Ils s'ornent de moustaches, de poitrines plastronnantes, de pendentifs. Ils ignorent que les femmes feignent d'être éblouies par cette face étincelante, mais épient de toute leur sournoiserie le dos. C'est au dos de leurs amants, quand ceux-ci se lèvent ou sortir, au dos qui ne sait pas mentir, affaissé, courbé, qu'elles devinent leur veulerie ou leur fatigue. Vous avez un dos plus avantageux qu'une poitrine. Il faut changer cela. Les dieux ne se tournent jamais. D'ailleurs, il fera nuit, Mercure. C'est à savoir, il ne fera pas nuit si vous gardez ainsi sur vous-même le brillant de votre divinité. Jamais Alcmène ne reconnaîtrait son mari en se verre luisant humain. Toutes mes autres maîtresses s'y sont trompées. Aucune, si vous voulez m'en croire. Et avouez que vous-même n'étiez pas fâché de vous révéler à elle, par quelque exploit ou par un de ces accès de lumière qui rendent votre corps translucide et épargnent les lampes à huile et leurs ennuis. Un dieu aussi peut se plaire à être aimé pour lui-même. Je crains qu'Alcmène ne vous refuse ce plaisir. Tenez-vous à la forme de son mari. Je m'y tiendrai d'abord, et je verrai ensuite. Car tu ne saurais croire, cher Mercure, les surprises que réserve une femme fidèle. Mais tu sais que j'aime exclusivement les femmes fidèles. Je suis dieu aussi de la justice, et j'estimais qu'elles avaient droit à cette compensation. Et je dois te dire aussi qu'elles y comptaient. Les femmes fidèles sont celles qui attendent du printemps, des lectures, des parfums, des tremblements de terre, les révélations que les autres demandent aux amants. En somme, elles sont infidèles à leurs époux avec le monde entier, excepté avec les hommes. Alcmène ne doit pas faire exception à cette règle. Je remplirai d'abord l'office d'Amphitryon de mon mieux, mais bientôt, par des questions habiles sur les fleurs, sur les animaux, sur les éléments, j'arriverai à savoir lequel hante son imagination. Je prendrai sa forme et serai ainsi aimé pour moi-même. Mes vêtements vont maintenant. Et c'est votre corps entier qui doit être sans défaut. Et venez là, à la lumière, que je vous ajuste votre uniforme d'homme. Et plus près, je vous vois mal. Mes yeux, voyons vont vos bien yeux. Trop brillants. Ils ne sont qu'un iris, sans cornée, pas de soupçon de glande lacrymale. Peut-être allez-vous avoir à pleurer. Et les regards, au lieu d'irradier des nerfs optiques, vous arrivent d'un foyer extérieur à vous, à travers votre crâne. Ne commandez pas au soleil vos regards humains. La lumière des yeux terrestres correspond exactement à l'obscurité complète dans notre ciel. Même les assassins n'ont là que deux veilleuses. Vous ne preniez pas de prunelles dans vos précédentes aventures ? Jamais, j'ai oublié. Comme ceci, les prunelles ? Non, pas de phosphore. Changez ces yeux de chat. On voit encore vos prunelles au travers de vos paupières quand vous clignez. On ne peut se voir dans ces yeux-là. Mettez-leur un fond. L'aventurine ne ferait pas mal avec ses reflets d'or. À la peau, maintenant. À ma peau ? Trop lisse, trop douce, votre peau. C'est de la peau d'enfant. Il faut une peau sur laquelle le vent est 30 ans soufflé, qui est 30 ans plongé dans l'air et dans la mer, bref, qui ait son goût, car on la goûtera. Les autres femmes ne disaient rien. en constatant que la peau de Jupiter avait goût d'enfant. Leur caresse n'en était pas plus maternelle. Cette peau-là ne ferait pas deux voyages. Et resserrez un peu votre sac humain, vous y flottez. Ah, c'est que cela me gêne. Voilà que je sens mon cœur battre, mes artères se gonfler, mes veines s'affaisser. Je me sens devenir un filtre, un sablier de sang. L'heure humaine bat en moi à me meurtrir. Ah, j'espère que mes pauvres hommes ne souffrent pas cela. Le jour de leur naissance et le jour de leur mort. Très désagréable de se sentir naître et mourir à la fois. Ce n'est pas moins par opération séparée. As-tu maintenant l'impression d'être devant un homme? Non, pas encore. Ce que je constate surtout devant un homme, devant un corps vivant d'homme, c'est qu'il change à chaque seconde. Qu'incessamment il vieillit. Jusque dans ses yeux, je vois la lumière vieillir. Essayons. Et pour m'y habituer, je me répète, je vais mourir, je vais mourir. Oh, un peu vite. Je vois pousser vos cheveux, vos ongles s'allonger, vos rides se creuser. Là, plus lentement. Ménagez vos ventricules. Vous vivez en ce moment la vie d'un chien ou d'un chat. Comme cela? Non, les battements trop espacés maintenant. C'est le rythme des poissons. Là. Voilà ce galop moyen, cet amble, auquel Amphitryon reconnaît ses chevaux et Alcmène le cœur de son mari. Tes dernières recommandations? Et votre cerveau? Mon cerveau? Oui, votre cerveau. Il convient d'y remplacer d'urgence les notions divines par les humaines. Que pensez-vous? Que croyez-vous? Quelles sont vos vues de l'univers maintenant que vous êtes homme? Mes vues de l'univers? Je crois que cette terre plate est toute plate. Que l'eau est simplement de l'eau, que l'air est simplement de l'air, la nature et l'esprit, l'esprit. C'est tout. Avez-vous le désir de séparer vos cheveux par une raie et de les maintenir par un fixatif? En effet, je l'ai. Avez-vous l'idée que vous seul existez, que vous n'êtes sûr que de votre propre existence? Oui, c'est même très curieux d'être ainsi emprisonné en soi-même. Avez-vous l'idée que vous pourrez mourir un jour? Non. Que mes amis mourront, pauvres amis, hélas, oui, mais pas moi. Avez-vous oublié toutes celles que vous avez déjà aimées? Moi, aimer? Non, je n'ai jamais aimé personne. Je n'ai jamais aimé Alcmène. Très bien. Et ce ciel, qu'en pensez-vous? Ce ciel, je pense qu'il est à moi, et beaucoup plus depuis que je suis mortel que lorsque j'étais Jupiter. Et ce système solaire, je pense qu'il est bien petit. Et la Terre, immense. Et je me sens soudain plus beau qu'Apollon, plus brave et plus capable d'exploits amoureux que Mars. Et pour la première fois, je me crois, je me vois, je me sens vraiment maître des dieux. Alors, vous voilà vraiment homme. Allez-y. Qui frappe là? Qui me dérange dans mon sommeil? Un inconnu que vous aurez plaisir à voir. Je ne connais pas d'inconnu. Un général. Que font les généraux à errer si tard sur les routes? Ils sont déserteurs, ils sont vaincus. Ils sont vaincus par l'amour. Voilà ce qu'ils risquent en s'attaquant à d'autres qu'à des généraux. Qui êtes-vous? Je suis ton amant. C'est Alcmène que vous parlez, non à sa chambrière. Je n'ai pas d'amant. Pourquoi, Steve? Tu n'as pas tout à l'heure ouvert avec angoisse la fenêtre et regardé dans la nuit? Je regardais la nuit, justement. Je peux te dire comment elle est, douce et belle. Tu n'as pas, il y a peu de temps, d'un vase d'or versé de l'eau glacée sur un guerrier étendu? Ah, elle était glacée, tant mieux. C'est bien possible. Tu n'as pas, devant le portrait d'un homme, murmuré « Ah, si je pouvais, tant qu'il sera absent, perdre la mémoire. » Je ne m'en souviens pas, peut-être. Tu ne sens pas, sous ces jeunes étoiles, ton corps s'épanouir et ton cœur se serrer en pensant à un homme qui est peut-être, d'ailleurs, je l'avoue, très stupide et très laid. Il est très beau et trop spirituel. Et en effet, j'ai du miel dans la bouche quand je parle de lui. Et je me souviens du vase d'or. Et c'était lui que je voyais dans les ténèbres. Et qu'est-ce que cela prouve? Que tu as un amant. Et il est là. J'ai un époux et il est absent. Et personne ne pénétrera dans ma chambre que mon époux. Et lui-même, s'il déguise ce nom, je ne le reçois pas. Jusqu'au ciel se déguise à l'heure où nous sommes. Homme peu perspicace, si tu crois que la nuit est le jour masqué, la lune un faux soleil, si tu crois que l'amour d'une épouse peut se déguiser en amour du plaisir. L'amour d'une épouse ressemble au devoir, le devoir à la contrainte du désir. Tu dis? Quel nom as-tu prononcé là? Celui d'un demi-dieu, celui du désir. Nous n'aimons ici que les dieux complets. Nous laissons les demi-dieux aux demi-jeunes filles et aux demi-épouses. Voilà un pis maintenant. Je le suis parfois plus encore, car je me réjouis qu'il n'y ait pas dans l'Olympe un dieu de l'amour conjugal. Je me réjouis d'être une créature que les dieux n'ont pas prévue. Au-dessus de cette joie, je ne sens pas un dieu qui plane, mais un ciel libre. Si donc tu es un amant, j'en suis désolée. Mais va-t'en. Tu as l'air beau et bien fait pourtant. Ta voix est douce. Que j'aimerais cette voix si c'était l'appel de la fidélité et non celui du désir. Que j'aimerais m'étendre en ses bras s'il n'était pas un piège qui se refermera brutalement sur une proie. Ta bouche aussi me semble fraîche et ardente. Mais elle ne me convaincra pas. Je n'ouvrirai pas ma porte à un amant. Qui es-tu? Pourquoi ne veux-tu pas d'amant? Parce que l'amant est toujours plus près de l'amour que de l'aimer. Parce que je ne supporte ma joie que sans limite, mon plaisir que sans réticence, mon abandon que sans borne. Parce que je ne veux pas d'esclave et que je ne veux pas de maître. Parce qu'il est mal élevé de tromper son mari, fût-ce avec lui-même. Parce que j'aime les fenêtres ouvertes et les draps frais. Pour une femme, tu sais vraiment les raisons de tes goûts, je te félicite. Ouvre-moi. Si tu n'es pas celui près de qui je m'éveille le matin et que je laisse dormir 10 minutes encore d'un sommeil pris sur la frange de ma journée et dont mes regards purifient le visage avant le soleil et l'eau pure, si tu n'es pas celui que je reconnais à la longueur et au son de son pas, s'il se rase ou s'habille, s'il pense ou s'il a la tête vide, celui avec lequel je déjeune, je dîne et je soupe, celui dont le souffle, quoi que je fasse, précède toujours mon souffle d'un millième de seconde. Si tu n'es pas celui que je laisse chaque soir endormir 10 minutes avant moi, d'un sommeil volé au plus vif de ma vie, afin qu'au moment même où il pénètre dans les rêves, je sente son corps bien chaud et vivant, qui que tu sois, je ne t'ouvrirai point. Qui es-tu? Il faut bien me résigner à te le dire, je suis ton époux. Comment, c'est toi, Amphitryon? Et tu n'as pas réfléchi en revenant ainsi combien ta conduite était imprudente? Personne au camp ne la soupçonne. Il s'agit bien du camp. Ne sais-tu pas à quoi un mari s'expose quand il apparaît à l'improviste après avoir annoncé son voyage? Ne présente pas. Tu ne sais pas que c'est l'heure où les bonnes épouses reçoivent dans leurs bras moites leur petit ami, pantelant de gloire et de peur? Tes bras sont vides et plus frais que la lune. Je lui ai donné le temps de fuir par notre bavardage. Il est présentement sur la route de Thèbes, maugréant et jurant, car il a pris sa tunique déroulée dans ses jambes nues. Ouvre à ton époux. Alors, tu penses entrer ainsi parce que tu es mon époux. As-tu des cadeaux? As-tu des bijoux? Tu te vendrais pour des bijoux? À mon mari, avec délice. Mais tu n'en as pas. Je vois qu'il faut que je reparte. Reste. Reste. À une condition pourtant, Amphitryon. Une condition expresse. Et que veux-tu? Que nous prononcions devant la nuit les serments que nous n'avons jamais faits que de jour. Depuis longtemps, j'attendais cette occasion. Je ne veux pas que ce beau mobilier des ténèbres, astre, brise, noctuelle, s'imagine que je reçois ce soir un amant. Célébrons notre mariage nocturne à l'heure où se consomment tant de fausses noces. Commence. Prononcer des serments sans prêtre, sans autel, sur le vide de la nuit, à quoi bon? C'est sur les vitres qu'on grave les mots ineffaçables. Lève le bras. Si tu savais comme les humains paraissent pitoyables aux dieux, Alcmène, à déclamer leurs serments et brandir ces foudres centenaires. S'ils font de beaux éclairs de chaleur, c'est tout ce qu'ils demandent. Lève la main et l'index plié. Avec l'index plié? Mais c'est le serment le plus terrible et celui par lequel Jupiter évoque les fléaux de la Terre. Plie ton index ou pas? Il faut donc que je t'obéisse. Contenez-vous, poids célestes, sauterelles et cancers, autant. C'est cet enragé de petite Alcmène qui me contraint à ce geste. Je t'écoute. Moi, Amphitryon, fils et petit-fils des généraux passés, père et aïeul des généraux futurs, agrafe indispensable dans la ceinture de la guerre et de la gloire. Moi, Alcmène, dont les parents sont disparus, dont les enfants ne sont pas nés, pauvre maillon présentement isolé de la chaîne humaine. Je jure de faire en sorte que la douceur du nom d'Alcmène survive aussi longtemps que le fracas du mien. Je jure d'être fidèle à Amphitryon, mon mari, ou de mourir. De quoi? De mourir. Pourquoi appeler la mort où elle n'a que faire? Je t'en supplie, ne dis pas ce mot. Il a tant de synonymes, même heureux. Ne dis pas mourir. C'est dit. Et maintenant, cher mari, trêve de parole. La cérémonie est finie et je t'autorise à monter. Que tu as été peu simple ce soir. Je t'attendais, la porte était ouverte. Tu avais juste à la pousser. Qu'as-tu? Tu hésites? Tu veux peut-être que je t'appelle amant. Jamais, te dis-je. Il faut vraiment que j'entre, Altman. Vraiment, tu le désires. Je l'ordonne, cher amour. Ainsi posté devant la chambre d'Altman, j'ai perçu un doux silence, une douce résistance, une douce lutte. Alcmène porte en soi maintenant le jeune demi-dieu. Mais auprès d'aucune autre maîtresse, Jupiter ne s'est ainsi attardé. Je ne sais si cette ombre vous paraît lourde. Pour moi, la mission de prolonger la nuit en ces lieux commence à me peser. Si je pense surtout que le monde entier baigne déjà dans la lumière. Nous sommes au cœur de l'été et il est 7 heures du matin. La grande inondation du jour s'étale, profonde de milliers de lieues, jusque sur la mer. Et seul entre les cubes submergés de rose, le palais reste un cône noir. Il est vraiment l'heure de réveiller mon maître, car il déteste être pressé dans son départ. Et sûrement il tiendra, comme avec toutes ses amies, dans les propos de Saudely, à révéler à Alcmène qu'il est Jupiter pour jouir de sa surprise et de sa fierté. J'ai d'ailleurs suggéré à Amphitryon de venir surprendre sa femme à l'aurore, de façon qu'il soit le premier témoin et le garant de l'aventure. C'est une prévenance qu'on lui doit et j'éviterai ainsi tout équivoque. À cette heure, notre général se met secrètement en route au galop de son cheval. Il sera avant une heure au palais. Montre-moi donc tes rayons, soleil, que je choisisse celui qui embrasera ces ténèbres. Non, pas celui-là. Rien de plus sinistre comme la lumière verte sur les amants qui s'éveillent. Chacun croit tenir un noyer en ses bras. Pas celui-là. Le violet et le pourpre sont les couleurs qui irritent l'essence. Gardons-les pour ce soir. Voilà. Voilà le bon. Le safran. Rien ne relève comme lui la fadeur de la peau humaine. Vas-y, soleil. Lève-toi, chérie. Le soleil est haut. Où suis-je? Où ne se croient jamais les maris au réveil. Simplement dans ta maison, dans ton lit, et près de ta femme. Le nom de cette femme? Son nom du jour est le même que son nom de la nuit. Toujours Alcmène. Alcmène, la grande femme blonde, grasse à point, qui se tait dans l'amour. Oui, et qui bavarde dès l'aube. Et qui va maintenant te mettre à la porte, tout mari que tu es. Qu'elle se taise et revienne dans mes bras. N'y compte pas. Les femmes grasses à point ressemblent cependant aux rêves. On ne les étreint que la nuit. Ferme les yeux et profitons de cette énergie. Non, non, non. Ma nuit n'est pas la nuit. Lève-toi ou j'appelle. Quelle nuit divine. Tu es faible ce matin dans tes épithètes, chérie. Je dis divine. Que tu dises un repas divin, une pièce de bœuf divine, soit. Tu n'es pas forcé d'avoir sans cesse de l'invention. Mais pour cette nuit, tu aurais pu trouver mieux. Qu'aurais-je pu trouver de mieux? À peu près tous les adjectifs, à part ton mot divin, vraiment hors d'usage. Le mot parfait, le mot charmant, le mot agréable surtout, qui dit bien des choses de cet ordre. Quelle nuit agréable! Alors, la plus agréable de toutes nos nuits, n'est-ce pas? De beaucoup! C'est à savoir. Comment c'est à savoir? As-tu oublié, chère Marie, notre nuit de noces? Le faible fardeau que j'étais dans tes bras? Et cette trouvaille que nous fîmes de nos deux cœurs au milieu des ténèbres qui nous enveloppaient pour la première fois ensemble dans leur ombre? Voilà notre plus belle nuit. Notre plus belle nuit, soit, mais la plus agréable, c'est bien celle-ci. Crois-tu? Et la nuit où un grand incendie se déclara dans Thèbes, d'où tu revins dans l'aurore dorée par elle et tout chaud comme un pain? Voilà notre nuit la plus agréable et pas une autre. Alors, la plus étonnante, si tu veux. Et pourquoi étonnante? Oui, celle d'avant-hier, quand tu sauvas de la mer cet enfant que le courant déportait et que tu revins luisant de varech et de lune, tout salé par les dieux et me sauvant toute la nuit à bras-le-corps dans ton sommeil. Cela était assez étonnant. Non, si je voulais donner un adjectif à cette nuit, mon chéri, je dirais qu'elle fut conjugale. Il y avait en elle une sécurité qui m'égayait. Jamais je n'avais été aussi certaine de te retrouver au matin bien rose, bien vivant, avide de ton petit déjeuner. Et il me manquait cette appréhension divine que je ressens pourtant toutes les fois de te voir à chaque minute mourir dans mes bras. Je vois que les femmes aussi emploient le mot divine. Après le mot appréhension, toujours. Quelle belle chambre! Tu l'apprécies surtout le matin où tu y es en fraude. Comme les hommes sont habiles, par ce système de pierres transparentes et de fenêtres, ils arrivent, sur une planète relativement si peu éclairée, à voir plus clair dans leur maison qu'aucun être au monde. Tu n'es pas modeste, chérie. C'est toi qui l'as inventé. Et quel beau paysage! Celui-là, tu peux le louer. Il n'est pas de toi. Et de qui est-il? Du maître des dieux. On peut savoir son nom? Jupiter. Comme tu prononces bien les noms des dieux. Qui t'a appris à les mâcher ainsi des lèvres comme une nourriture divine? On dirait une brebis qui a cueilli le cytise et la tête haute le broute. Mais c'est le cytise qui est parfumé par ta bouche. Répète. On dit que les dieux ainsi appelés répondent quelquefois par leur présence, mais... Neptune, Apollon... Non, le premier. Répète. Laisse-moi brouter tout l'Olympe. D'ailleurs, j'aime mieux prononcer les noms des dieux par couple. Mars et Vénus. Jupiter et Junon. Alors, je les vois défiler sur la crête des nuages éternellement, se tenant par la main. Cela doit être superbe. Et d'une gaieté. Alors, tu trouves beau cet ouvrage de Jupiter, ses falaises, ses rocs? Très beau, seulement l'a-t-il fait exprès? Tu dis? Toi, tu fais tout exprès, chérie. Soit que tu hantes tes cerisiers sur tes prunes, soit que tu imagines un sabre à deux tranchants. Mais crois-tu que Jupiter ait su vraiment le jour de la création ce qu'il allait faire? On l'assure. Il a créé la Terre, mais la beauté de la Terre se crée elle-même à chaque minute. Ce qu'il y a de prodigieux en elle, c'est qu'elle est éphémère. Jupiter est trop sérieux pour avoir voulu créer de l'éphémère. Peut-être te représentes-tu mal la création. Aussi mal sans doute que la fin du monde. Je suis à égale distance de l'une et de l'autre, et je n'ai pas plus de mémoire que de prévision. Tu te la représentes, toi, chérie? Je la vois. Au début, régnait le chaos. L'idée vraiment géniale de Jupiter, c'est d'avoir pensé à le dissocier en quatre éléments. Nous n'avons que quatre éléments? Quatre. Et le premier est l'eau. Et ce ne fut pas le plus simple à créer, je te prie de le croire. Oui, cela semble naturel à première vue, l'eau. Mais imaginer de créer l'eau, avoir l'idée de l'eau, c'est autre chose. Que pleuraient les déesses à cette époque? Du bronze? Ne m'interromps pas. Je tiens à bien te montrer ce qu'était Jupiter. Il peut apparaître tout d'un coup. Tu n'aimerais pas qu'il t'expliquasse cela lui-même dans sa grandeur. Il a dû l'expliquer trop souvent. Tu y mettras plus de fantaisie. Où en étais-je? Nous avions presque fini. Au chaos originel. Ah oui. Jupiter eut soudain l'idée d'une force élastique et incompressible qui comblerait les vides et amortirait tous les chocs d'une atmosphère encore mal réglée. L'idée de l'écume, elle est de lui? Non. Mais l'eau, une fois née, il lui vint à l'esprit de l'aborder par des rives irrégulières pour briser les tempêtes et de semer sur elle, afin que l'œil des dieux ne fût pas toujours agacé par un horizon miroitant, des continents solubles ou rocailleux. La terre était créée et ses merveilles. Et les pins? Les pins? Les pins parasols, les pins cèdres, les pins cyprès, toutes ces masses vertes ou bleues sans lesquelles un paysage n'existe pas. Et l'écho? L'écho? Tu réponds comme lui. Et les couleurs, c'est lui qui a créé les couleurs. Et cette couleur de l'arc-en-ciel, c'est lui. Oh, je parle du mordoré, du pourpre, du vert lézard, mes préférés. Non, il a laissé ce soin au teinturier. Mais, recourant aux vibrations diverses de l'éther, il a fait que par les chocs de double choc moléculaire, ainsi que par les contre-réfractions des réfractions originelles, se tendissent à travers l'univers mille réseaux différents de sons ou de couleurs, perceptibles ou non, après tout il s'en moque, aux organes humains. C'est exactement ce que je disais. Que disais-tu? Qu'il n'a rien fait. Que nous plonger dans un terrible assemblage de stupeurs et d'illusions où nous devons nous tirer seuls d'affaires, moi et mon cher mari. Tu es impie, Alcmen. Sache que les dieux t'entendent. L'acoustique n'est pas la même pour les dieux que pour nous. Tu me trouves trop terrestre, dis. Tu n'aimerais pas l'être moins. Cela m'éloignerait de toi. Tu n'as jamais désiré être déesse, ou presque déesse. Certes non, pourquoi faire? Pour être honorée et révérée de tous. Je le suis comme simple femme, c'est plus méritoire. Pour être d'une chair plus légère, pour marcher sur les airs, sur les eaux. C'est ce que fait toute épouse alourdie d'un bon mari. Pour comprendre les raisons des choses, des autres mondes. Les voisins ne m'ont jamais intéressée. Alors, pour être immortelle. Immortelle? À quoi bon? À quoi cela sert-il? Comment à quoi? Mais à ne pas mourir. Et que ferai-je si je ne meurs pas? Tu vivras éternellement, cher Alcmen, changé en astre. Tu scintilleras dans la nuit jusqu'à la fin du monde. Qui aura lieu? Jamais. Charmante soirée. Et toi, que feras-tu? Ombre sans voix, fondue dans les brumes de l'enfer, je me réjouirai de penser que mon épouse flamboie là-haut dans l'air sec. Tu préfères d'habitude les plaisirs mieux partagés. Non, chérie, que les dieux ne comptent pas sur moi pour cet office. Pourquoi me regardes-tu soudain de cet air respectueux? C'est que tu es le premier être vraiment humain que je rencontre. C'est ma spécialité parmi les hommes. Tu ne crois pas si bien dire. Mais tu n'aimerais pas avoir un fils moins humain que toi, un fils immortel? Il est humain de désirer un fils immortel. Un fils qui deviendrait le plus grand des héros, qui, dès sa petite enfance, s'attaquerait à des lions, à des monstres. Dès sa petite enfance? Il aura, dans sa petite enfance, une tortue et un barbet. Qui tuerait des serpents énormes venus pour l'étrangler dans son berceau? Il ne serait jamais seul. Ces aventures n'arrivent qu'aux fils des femmes de ménage. Non, je le veux faible, gémissant doucement et qui ait peur des mouches. Qu'as-tu à t'agiter ainsi? Parlons sérieusement, Altman. Est-il vrai que tu préférerais te tuer plutôt que d'être infidèle à ton mari? Tu n'es pas gentil d'en douter. Mais c'est très dangereux de se tuer. Pas pour moi, je t'assure, Marie chérie, qu'il n'y aura rien de tragique dans ma mort. Mais tu pourrais entraîner dans ta mort un fils conçu de la veille, à demi-vivant. Ce ne serait pour lui qu'une demi-mort. Il y gagnerait sur son lot futur. Et tu parles de tout cela si simplement, si posément, sans y avoir réfléchi. Sans y avoir réfléchi? On se demande parfois à quoi pensent ces jeunes femmes toujours riantes, gaies et grasses à point, comme tu l'assures. Au moyen de mourir sans histoire et sans drame. Si leur amour est humilié ou déçu. Écoutez bien, cher Alcmen. Vous êtes pieuse, et je vois que vous pouvez comprendre les mystères du monde. Il faut que je vous parle. Non, non, Amphitryon, chérie, voilà que tu me dis, vous. Je sais trop à quoi mène ce vous solennel. C'est ta façon d'être tendre, elle m'intimide. Tâche plutôt la fois prochaine de trouver un tutoiement à l'intérieur du tutoiement lui-même. Ne plaisantez pas, j'ai à vous parler des dieux. Des dieux? Il est temps que je vous rende clair leur rapport avec les hommes. Les hypothèques imprescriptibles qu'ils ont sur les habitants de la Terre et leurs époux. Tu deviens fou? Tu vas parler des dieux au seul moment du jour où les humains ivres de soleil, lancés vers le labour ou la pêche, ne sont plus qu'à l'humanité? D'ailleurs, l'armée t'attend. Il te reste juste quelques heures si tu veux tuer des ennemis à jeun. Pars, chérie, pour me retrouver plus vite. Et d'ailleurs, la maison m'appelle, mon mari. J'ai ma visite d'intendante à faire. Si vous restez, cher monsieur, j'aurai à vous parler aussi de façon solennelle, non des dieux, mais de mes bonnes. Je crois bien qu'il va falloir nous séparer de Nenezza. Outre sa manie de ne nettoyer dans les mosaïques que les carreaux de couleur noire, elle a cédé, comme vous le dites, aux dieux, et elle est enceinte. Alcmen, cher Alcmen, les dieux apparaissent à l'heure précise où nous les attendons le moins. Amphitryon, cher mari, les femmes disparaissent à la seconde où nous croyons les tenir. Leur colère est terrible, ils n'acceptent ni les ordres, ni la moquerie. Mais toi, tu acceptes tout, chérie, et c'est pour cela que je t'aime. Même un baiser de loin, à la main. À ce soir. Adieu. Que se passe-t-il, Jupiter? Je m'attendais à vous voir sortir de cette chambre dans votre gloire, comme des autres chambres. Et cet Alcmen qui s'évade, vous sermonnant et nullement troublé? On ne saurait prétendre qu'elle le soit. Que veut dire ce pli vertical entre vos yeux? C'est un stigmate de tonnerre. C'est l'annonce d'une menace que vous nourrissez contre l'humanité. Ce pli? C'est une ride. Jupiter ne peut avoir de ride. Celle-là vous reste du corps d'Amphitryon. Non, non. Cette ride m'appartient. Et je sais maintenant d'où les hommes les tirent, ces rides qui nous intriguaient tous. De l'innocence et du plaisir. Mais vous semblez là, Jupiter. Vous êtes voûté. Cela est lourd à porter, une ride. Éprouveriez-vous enfin ce célèbre délabrement que donne aux hommes l'amour? Je crois que j'éprouve l'amour. Vous êtes connu pour l'éprouver souvent. Pour la première fois, j'ai tenu dans mes bras une créature humaine, sans la voir, et d'ailleurs sans l'entendre. Aussi, je l'ai comprise. Que pensiez-vous? Que j'étais Amphitryon. C'est Alcmen qui avait remporté sur moi la victoire. Du coucher au réveil, je n'ai pu être avec elle un autre que son mari. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de lui expliquer la création. Je n'ai trouvé qu'un langage de pédagogue, alors que devant toi, tout mon langage divin afflue. Veux-tu que je te l'explique, tiens, la création? Que vous la refassiez à la rigueur, j'accepte, mais je n'irai que jusque-là. Mercure, l'humanité n'est pas ce que pensent les dieux. Nous croyons que les hommes sont une dérision de notre nature. Le spectacle de leur orgueil est si réjouissant que nous leur avons fait croire qu'un conflit sévit entre les dieux et eux-mêmes. Nous avons pris une énorme peine à leur imposer l'usage du feu pour qu'ils croient nous l'avoir volé. à dessiner sur leur ingrate matière cérébrale des volutes compliquées pour qu'ils inventent le tissage, la roue dentée, l'huile d'olive et s'imaginent avoir conquis sur nous ces otages. Or, ce conflit existe et j'en suis aujourd'hui la victime. Vous vous exagérez le pouvoir d'Alcmène. Je n'exagère pas. Alcmène, la tendre Alcmène, possède une nature plus irréductible à nos lois que le roc. C'est elle, le vrai Prométhée. Elle manque simplement d'imagination. C'est l'imagination qui illumine pour notre jeu le cerveau des hommes. Alcmène n'illumine pas. Elle n'est sensible ni à l'éclat, ni à l'apparence. Elle n'a pas d'imagination et peut-être pas beaucoup plus d'intelligence. Mais il y a justement en elle quelque chose d'inattaquable et de borné qui doit être l'infini humain. Sa vie est un prisme où le patrimoine commun aux dieux et aux hommes, courage, amour, passion, se mue en qualités proprement humaines, constance, douceur, dévouement, sur lesquelles meurt notre pouvoir. Elle est la seule femme que je supporterai habillée, voilée, dont l'absence égale exactement la présence, dont les occupations me paraissent aussi attirantes que les plaisirs. Déjeuner en face d'elle, je parle même du petit déjeuner, lui tendre le sel, le miel, les épices, dont son sang et sa chaleur s'alimentent, heurter sa main, fût-ce de sa cuillère ou de son assiette, voilà à quoi je pense maintenant. Je l'aime en un mot. Et je peux bien te le dire, Mercure, son fils sera mon fils préféré. C'est ce que l'univers sait déjà. L'univers ? Je pense que personne ne sait rien encore de cette aventure. Tout ce qui dans ce monde est doté d'oreilles sait que Jupiter honore aujourd'hui de sa visite Alcmène. Tout ce qui possède une langue s'occupe à la répéter. J'ai tout annoncé au lever du soleil. Tu m'as trahi, pauvre Alcmène. J'ai agi comme pour vous autres maîtresses. Et ce serait le premier de vos amours qui resterait inscrit. Vous n'avez pas le droit de dissimuler aucune de vos générosités amoureuses. Qu'as-tu annoncé ? Que j'avais pris hier soir la forme d'Amphitryon ? Certes non, cette ruse peu divine pourrait être mal interprétée. Comme votre désir de passer une seconde nuit dans les bras d'Alcmène éclatait à travers toutes les murailles, j'ai annoncé qu'elle recevrait ce soir la visite de Jupiter. Et à qui l'as-tu annoncé ? Aux airs, d'abord, aux eaux, comme je le dois. Écoutez, les ondes sèches ou humides ne parlent que de cela dans leur langage. C'est tout. Et à une vieille femme qui passait au pied du palais. La concierge sourde ? Nous sommes perdus. Pourquoi ces mots humains, Jupiter ? Vous parlez comme un amant. Alcmène a-t-elle exigé le silence jusqu'à la minute où vous la raviriez à cette terre ? C'est là mon malheur. Alcmène ne sait rien. 100 fois au cours de cette nuit, j'ai cherché à lui faire entendre qui j'étais. 100 fois, elle a changé par une phrase humble ou charmante la vérité divine en vérité humaine. Elle n'a pas eu de soupçon ? À aucun moment, et je ne supporte pas l'idée qu'elle puisse en avoir. Quels sont ces bruits ? Ma femme sourde a rempli son office. C'est Thèbes qui se prépare à fêter votre union avec Alcmène. Une procession s'organise et semble monter au palais. Qu'elle n'y parvienne point ! Détourne-la vers la mer qui l'engloutira. Impossible, ce sont vos prêtres. Ils n'auront jamais assez de raison de croire en moi. Vous ne pouvez rien contre les lois que vous-même avez prescrites. Tout l'univers sait que Jupiter fera aujourd'hui un fils à Alcmène. Il n'est pas mauvais qu'Alcmène en soit elle aussi informée. Alcmène ne supportera pas cela. Qu'Alcmène en souffre donc ? La cause en vaut la peine. Elle ne souffrira pas. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Elle se tuera. Mais mon fils Hercule mourra du même coup. Et je serai obligé à nouveau, comme pour toi, de m'ouvrir la cuisse ou le gras du mollet pour y abriter quelques mois un fœtus. Merci bien. La procession monte. Lentement, mais sûrement. Pour la première fois, Mercure, j'ai l'impression qu'un honnête dieu peut être un malhonnête homme. Quels sont ces chants ? Ce sont les vierges transportées par la nouvelle qui viennent en théorie féliciter Alcmène. Tu ne crois vraiment pas nécessaire d'engloutir ces prêtres, de frapper ces vierges d'insolation matinale ? Mais enfin, que désirez-vous ? Ce que désire un homme, hélas. 1000 désirs contraires. Qu'Alcmène reste fidèle à son mari et qu'elle se donne à moi avec ravissement. Qu'elle soit chaste sous mes caresses et que des désirs interdits la brûlent à ma seule vue. Qu'elle ignore toute cette intrigue et qu'elle l'approuve entièrement. Je m'y perds. Moi, j'ai rempli ma tâche. L'univers sait, comme il était prescrit, que vous coucherez ce soir dans le lit d'Alcmène. Puis-je faire autre chose pour vous ? Oui. Que j'y couche. Vraiment. Et avec ce fameux consentement dont vous parliez hier, sans doute. Oui, Mercure. Il ne s'agit plus d'Hercule. L'affaire Hercule est close, heureusement. Il s'agit de moi. Il faut que tu vois Alcmène, que tu la prépares à ma visite, que tu lui dépeignes mon amour. Apparais-lui. Par ton seul fluide de dieu secondaire, agite déjà à mon profit l'humanité dans son corps. Je te permets de l'approcher, de la toucher. Trouble d'abord ses nerfs, puis son sang, puis son orgueil. D'ailleurs, je t'avertis, je ne quitte pas cette ville avant qu'elle ne se soit étendue de bon gré en mon honneur. Et je suis là de cette humiliante livrée. Je viendrai en Dieu. À la bonne heure, Jupiter. Si vous renoncez à votre incognito, je puis vous assurer que d'ici quelques minutes, je l'aurai convaincu de vous attendre au coucher du soleil. La voilà, justement. Laissez-moi. Oh, Elle parle d'Amphitryon à son écho. Et vous dites qu'elle n'est pas coquette. Elle parle sans cesse à cet écho. Elle a un miroir même pour ses paroles. Et venez, Jupiter, elle approche. Salut, demeure chaste et pure. Si chaste, si pure. Qu'as-tu à sourire? Tu as déjà entendu cette phrase? D'avance, oui. Je l'ai entendue d'avance. Les siècles futurs me la crient. Pardon, la voilà. Alors, viens la visiter. J'apporte les verveines, maîtresse. Ces fleurs préférées. Préférées de qui? Je préfère les roses. Vous oseriez orner cette chambre de roses en ce jour? Pourquoi pas? On m'a toujours dit que Jupiter déteste les roses. Mais peut-être qu'après tout, vous avez raison de traiter les dieux comme de simples mortels. Ça les dresse. Tu préfères le grand voile rouge? Le grand voile? Certes non, le voile de l'enceinte. Que vous êtes habile, maîtresse. Que vous avez raison de donner au palais l'aspect de l'intimité plutôt que l'éclat des fêtes. J'ai préparé les gâteaux et versé l'ambre dans le bain. Tu as bien fait, c'est le parfum préféré de mon mari. Votre mari aussi, en effet, va être très fier et très heureux. Que veux-tu dire, Éclissée? Oh, maîtresse chérie, voilà votre nom célèbre pour les siècles. Et peut-être le mien aussi, puisque j'ai été ta nourrice. Mon lait, voilà ton phare. Il est arrivé quelque bonheur à Amphitryon. Il va lui arriver ce qu'un prince peut rêver de plus heureux pour sa gloire et son honneur. La victoire? Victoire, certes, et sur le plus grand des dieux. Vous entendez? Quelle est cette musique? Et ces cris? Mes chères maîtresses, c'est que Thèbes tout entière, c'est la nouvelle. Tous se réjouissent, tous se félicitent de savoir que grâce à vous, notre ville est favorisée entre toutes. Grâce à ton maître? Certes, lui aussi est à l'honneur. Lui seul? Non, maîtresse, vous. Toute la Grèce retentit déjà de votre gloire. La voix des coqs s'est haussée d'un ton depuis ce matin, disent les prêtres. Léda, la reine de Sparte que Jupiter aima sous la forme d'un cygne et qui était de passage à Thèbes, demande à vous rendre visite. Ces conseils peuvent être utiles. Dois-je vous dire de monter? Certes. Oh, maîtresse, il ne fallait pas te voir tous les jours dans ton bain comme moi pour penser que les dieux ne réclamaient pas un jour leur dû. Je ne te comprends pas. Amphitryon est dieu? Je ne t'ai jamais vue aussi folle. Oh oui, maîtresse folle et affolée. Car sous quelle forme va-t-il venir? Par le ciel? Par la terre? Par les eaux? En dieu? En animal? Ou en humain? Je n'ose plus chasser les oiseaux. Il est peut-être en ce moment un des leurs. Je n'ose résister au chevreuil apprivoisé qui m'a poursuivi et corné. Il est là, le gentil animal, qui piaffe et brame dans l'antichambre. Peut-être dois-je lui ouvrir. Mais qui sait, peut-être est-il au contraire ce vent qui agite les rideaux. J'aurais dû mettre le rideau rouge. Peut-être est-ce lui qui effleure en ce moment les épaules de ta vieille nourrice. Je tremble, un courant m'agite. Ah, je suis dans le sillage d'un immortel. Oh, maîtresse, c'est en ceci que Jupiter aujourd'hui a été le plus habile. Chacun de ses êtres et de ses mouvements peut être pris pour un dieu. Oh, regarde, tu entres là par la fenêtre. Tu ne vois pas que c'est une abeille? Chasse-la. Certainement non, c'est elle. C'est lui, veux-je dire. Lui en elle, en un mot. Ne bougez pas, maîtresse, je vous en supplie. Oh, salut, abeille divine. Nous te devinons. Elle s'approche de moi, à l'aide. Que tu es belle en te gardant ainsi. Ah, oh, que Jupiter a raison de te faire danser ce pas de crainte et de jeu. Aucun ne révèle plus ta candeur et tes charmes. Sûrement, elle va te piquer. Mais je ne veux pas être piquée. Oh, piqûre bien-aimée. Laisse-toi piquer, oh maîtresse. Laisse-la se poser sur ta joue. Oh, c'est lui, sûrement. Il cherche ta poitrine. Ciel, que tu fais? Quoi? Pas de foudre? Pas d'éclair? Veux-tu m'expliquer ta conduite, Éclissée? Tout d'abord, maîtresse, recevez-vous les députations qui montent pour vous féliciter? Amphitryon les recevra avec moi demain. Évidemment, c'est plus naturel. Je reviens, maîtresse. Je vais chercher Léda. Salut, princesse. Vous êtes un dieu pour être venu ainsi avec cette audace à la fois et cette discrétion. Et un dieu mal famé, mais un dieu. Mercure, si j'en juge, d'après votre visage. Merci, c'est à mes pieds que les autres humains me reconnaissent. Aux ailes de mes pieds, vous êtes plus habile ou plus apte à la flatterie. Je suis toute heureuse de voir un dieu. Si vous voulez le toucher, je vous y autorise. À vos mains, moi, je reconnais que vous avez ce droit. Je vois que les dieux vous intéressent. Toute ma jeunesse s'est passée à les imaginer, à leur faire signe. Enfin, l'un d'eux est venu. Je caresse le ciel. J'aime les dieux. Tous, je suis contrit dans cette affection. La terre sème en détail, le ciel en bloc. Vous, d'ailleurs, Mercure, vous avez un si beau nom. On dit aussi que vous êtes le dieu de l'éloquence. J'ai vu cela tout de suite, dès votre apparition. À mon silence. Votre visage aussi est une belle parole. Et vous n'avez pas un préféré parmi les dieux? Forcément, puisque j'ai un préféré parmi les hommes. Lequel? Dois-je dire son nom? Voulez-vous que j'énumère les dieux? Selon leur liste fiscale, et vous m'arrêterez. Je vous arrête. C'est le premier. Jupiter? Jupiter. Vous m'étonnez. Son titre de dieu des dieux vous influence à ce point? Cette espèce d'oisiveté suprême, cette fonction de contremaître sans spécialité du chantier divin ne vous détourne pas de lui, au contraire? Il a la spécialité de la divinité, c'est quelque chose. Il n'entend rien à l'éloquence, à l'orfèvrerie, à la musique de ciel ou de chambre. Il n'a aucun talent. Il est beau, mélancolique. Et il n'a, sur ses augustes traits, aucun de ces tics qui habitent les traits des dieux forgerons ou poètes. Il est beau, en effet, et coureur. Vous n'êtes pas loyal en parlant ainsi de lui. Croyez-vous que je ne comprenne pas le sens de ces passions subites qui précipitent Jupiter dans les bras d'une mortelle? Je m'y connais en greffe par mon mari qui a trouvé, comme vous le savez peut-être là-haut, la greffe des cerises. En classe aussi, on nous fait réciter que le croisement avec la beauté et même avec la pureté ne peut s'opérer que par ses visites et sur des femmes trop honorées de cette haute mission. Alors, je vous déplais en vous disant cela. Vous me ravissez. Alors le sort de Léda, de Danaé, de toutes celles qu'a aimé ou qu'aimera Jupiter vous paraît un sort heureux? Infiniment heureux. Enviable? Très enviable. Bref, vous les enviez. Si je les envie? Pourquoi cette question? Vous ne le devinez pas. Vous ne devinez pas pourquoi je viens ici et ce que j'ai à vous annoncer en messager de mon maître? Dites toujours. Qu'il vous aime. Que Jupiter vous aime. Jupiter me connaît? Jupiter daigne savoir mon existence? Je suis fortunée entre toutes. Depuis de nombreux jours, il vous voit, il ne perd aucun de vos gestes. Vous êtes inscrite dans son regard rayonnant. De nombreux jours? Et de nombreuses nuits. Vous pâlissez? C'est vrai, je devrais rougir. Excusez-moi, Mercure, mais je suis navrée de penser que je n'ai pas toujours été digne de ce regard. Que ne m'avez-vous prévenu? Et que dois-je lui dire? Dites-lui que je serai désormais digne de cette faveur. Un autel en argent se dresse déjà pour lui dans le palais. Dès le retour d'Amphitryon, nous élèverons un autel d'or. Ce n'est pas votre autel qu'il demande. Tout ici lui appartient. Qu'il daigne choisir un objet parmi mes objets préférés. Il l'a choisi et il viendra ce soir au coucher du soleil le demander lui-même. Lequel? Votre lit. Vous souriez? Mon sourire est à moins. Et pourquoi ce sourire? Tout simplement parce qu'il y a erreur sur la personne, Mercure. Je suis Alcmène. Et Amphitryon est mon mari. N'allez pas vous imaginer qu'il s'agisse d'une liaison, il s'agit de quelques airs. Cela, vous n'en savez rien. La constance de Jupiter, comme je l'imagine, me surprendrait à peine. Je pars, je vais prévenir Jupiter que vous l'attendez. Vous mentirez, je ne peux pas l'attendre. Que dites-vous? Je ne l'attendrai pas. Je vous en supplie, Mercure, détournez de moi la faveur de Jupiter. Je ne vous comprends pas. Je ne peux être la maîtresse de Jupiter. Pourquoi? Il me mépriserait ensuite. Ne faites pas votre naïve. Je suis impie. Je blasphème dans l'amour. Vous mentez. C'est tout? Je suis lasse, malade. Ce n'est pas vrai. Ne croyez pas vous défendre contre un dieu avec les armes qui écartent les hommes. J'aime un homme. Quel homme? Mon mari. Ah. Vous aimez votre mari? Je l'aime. Et nous y comptons bien. Jupiter, lui, n'est pas un homme. Il ne choisit pas ses maîtresses parmi les femmes infidèles. D'ailleurs, ne vous faites pas plus ingénue que vous ne l'êtes. Nous connaissons vos rêves. Mes rêves? Nous savons que vous rêvez. Les femmes fidèles rêvent parfois et qu'elles ne sont pas dans les bras de leur mari. Elles ne sont dans les bras de personne. Il arrive à ses épouses sûres d'appeler leur mari Jupiter. Nous vous avons entendu. Mon mari peut être pour moi Jupiter. Jupiter ne peut être mon mari. Vous êtes vraiment ce qu'on nomme un esprit obstiné. Ne me forcez pas à vous parler crûment et à vous montrer le fond de ce que vous croyez votre candeur. Je vous trouve suffisamment cynique dans vos paroles. Si j'étais surprise nue, je devrais me débattre avec mon corps et mes jambes nues. Vous ne me laissez pas le choix des mots. Alors j'y vais, sans embâge. Jupiter ne demande pas absolument à entrer en homme dans votre lit. Vous avez pu voir que je n'y accepte pas non plus les femmes. Nous avons pu voir que certains spectacles dans la nature, que certains parfums, que certaines formes vous irritent tendrement dans votre âme et dans votre corps, et que souvent, même au bras d'Amphitryon, il naît en vous, vis-à-vis d'objets et d'êtres, une tumultueuse appréhension. Vous aimez nager? Jupiter peut devenir l'eau qui vous investit et vous force. Ou si vous croyez marquer moins de votre infidélité en recevant d'une plante ou d'un animal la faveur du maître des dieux, dites-le, et il vous exaucera. Quel est votre félin préféré? Mercure, laissez-moi. Un mot et je pars. Un enfant doit naître de la rencontre de ce soir, Alcmène. Il a même un nom, sans doute. Il a nom Hercule. Pauvre petite fille, elle ne naîtra pas. C'est un garçon et il naîtra. Tous ces monstres qui désolent encore la terre, tous ces fragments de chaos qui encombrent le travail de la création, c'est Hercule qui doit les détruire et les dissiper. Votre union avec Jupiter est faite de toute éternité. Et que se passera-t-il si je refuse? Hercule doit naître. Si je me tue? Jupiter vous redonnera la vie, ce fils doit naître. Un fils de l'adultère, jamais. Ce fils mourrait, tout fils du ciel qu'il puisse être. La patience des dieux a des limites, Alcmène. Vous méprisez leur courtoisie, tant pis pour vous. Après tout, nous n'avons que faire de votre consentement. Apprenez donc, hier. Maîtresse. Qui a-t-il? Amphitryon, sans doute. Non, seigneur. La reine Léda arrive au palais. Peut-être dois-je la renvoyer? Léda? Non, non, qu'elle reste. Recevez-la, Alcmène. Elle peut vous être d'un utile conseil. Pour moi, je pars et je vais rendre compte de notre entretien à Jupiter. Vous lui direz ma réponse? Tenez-vous à voir votre ville assaillie par des pestes, par l'incendie, à voir votre mari vaincu et déchu? Je lui dirai que vous l'attendez. Vous direz un mensonge. C'est avec les mensonges du matin que les femmes font leur vérité du soir. À ce soir, Alcmène. Éclissée, comment est-elle? Sa robe d'argent, avec liseré de cygne, mais très discret. Je parle de son visage. Dur, orgueilleux? Noble et paisible. Alors va, cours, qu'elle entre vite. Une idée m'est venue, une idée merveilleuse. Léda peut me sauver. Voilà une visite indiscrète, Alcmène. Oh, tellement désirée, Léda, au contraire. C'est la future chambre historique? C'est ma chambre. La mer et la montagne, vous faites bien les choses. Et le ciel, surtout. Le ciel lui est peut-être plus indifférent. C'est pour ce soir? On dit que c'est ce soir. Comment cela est-il arrivé? Vous faisiez de grandes prières tous les jours pour dire votre peine, votre nostalgie? Non, je les faisais pour dire ma satisfaction, mon bonheur. C'est encore la meilleure façon d'appeler à l'aide. Vous l'avez vu? Non. C'est lui qui vous envoie? Je passais par Thèbes, j'ai appris les nouvelles, je suis venue vous voir. Ce n'est pas plutôt que vous comptez le revoir? Je ne l'ai jamais vu. Vous n'ignorez pas les détails de l'aventure. Léda, c'était vrai ce que la légende raconte? Il était un vrai cygne? Ah, cela vous intéresse. Jusqu'à un certain point, une espèce de nuage oiseau, de rafale cygne. Est-ce exact que les articulations de ses ailes crépitaient harmonieusement? Très exact, comme chez les cigales, en moins métallique. J'ai touché des doigts cette naissance des ailes, une harpe de plumes. Vous aviez été informé de son choix? C'était l'été. Depuis le solstice, de grands cygnes naviguaient très haut entre les astres. J'étais bien sous le signe du cygne, comme dit plaisamment mon mari. Votre mari plaisante sur ce sujet? Mon mari ne croit pas aux dieux. Il ne peut donc voir dans cette aventure qu'une imagination ou le sujet de jeu de mots. C'est un avantage. Vous avez été bousculée, surprise? Assaillie, doucement assaillie. Caressée soudain par autre chose que par ces serpents prisonniers que sont les doigts, ces ailes mutilées que sont les bras, prise dans un mouvement qui n'était plus celui de la terre, mais celui des astres. Dans un roulis éternel. Bref, un beau voyage. D'ailleurs, vous serez mieux renseigné que moi dans un instant. Il vous a quitté comment? J'étais étendue, il est monté droit à mon zénith. Il m'avait doué pour quelques secondes d'une presbytie surhumaine qui me permit de le suivre jusqu'au zénith du zénith. Je l'ai perdu là. Et depuis, rien de lui? Je vous dis, ses faveurs, les politesses de ses prêtres, parfois une ombre de cygne qui se pose sur moi dans le bain, et que nul savon n'enlève. Les branches d'un poirier témoin s'inclinent sur mon passage. D'ailleurs, je n'aurais pas supporté de liaison, même avec un dieu. Une seconde visite, oui, peut-être. Mais il a négligé ce point de l'étiquette. Cela pourrait être se rattraper. Et depuis, vous êtes heureuse? Hélas, heureuse, non. Mais du moins, bien heureuse. Vous verrez que cette surprise donnera tout votre être, et pour toujours. Une détente dont votre vie entière profitera. Ma vie n'est pas tendue et d'ailleurs je ne le verrai pas. Vous le sentirez. Vous sentirez vos étreintes avec votre mari dégagées de cette douloureuse inconscience, de cette fatalité qui leur enlève le charme d'un jeu familial. Léda, croyez-vous que l'on puisse fléchir Jupiter, vous qui le connaissez? Je le connais? Je ne l'ai vu qu'oiseau. Mais d'après ses actes d'oiseau, quel est son caractère de dieu? Beaucoup de suite dans les idées et peu de connaissances des femmes. Mais il est docile à la moindre indication et reconnaissant pour toute aide. Pourquoi me demandez-vous cela? J'ai décidé de refuser les faveurs de Jupiter. Je vous en supplie, voulez-vous me sauver? Vous sauver de la gloire? Sauvez-moi, Léda. Vengez-vous de Jupiter qui ne vous a étreinte qu'une fois et a cru vous consoler avec les révérences d'un poirier. Comment se venger d'un pauvre signe blanc? Avec un signe noir. Je vais vous expliquer. Prenez ma place. Votre place? Cette porte donne sur une chambre obscure où tout est préparé pour le repos. Mettez mes voiles, répandez mon parfum. Jupiter s'y trompera et à son avantage. Ne se rend-on pas de ses services entre amis? Sans se le dire, oui, souvent. Charmante femme. Je veux bien vous sauver, cher Ackleman, entendu. Mais encore voudrais-je savoir à quel prix. À quel prix? Sous quelle forme Jupiter doit-il venir? Il faudrait tout au moins que ce fût sous un aspect que j'aime. Oh, cela, je l'ignore. Vous pouvez le savoir, il revêtira la forme qui hante vos désirs et vos rêves. Je n'en vois pas. J'espère que vous n'aimez point les serpents, j'en ai horreur. Il n'y aurait pas alors à compter sur moi. Ou alors, un beau serpent couvert de bagues. Aucun animal, aucun végétal ne me hante. Je décline aussi les minéraux. Enfin, Ackleman, vous avez bien un point sensible. Je n'ai pas de point sensible. J'aime mon mari. Mais le voilà, le point sensible. Il n'y a pas à en douter. C'est par là que vous serez vaincu. Vous n'avez jamais aimé que votre mari. J'en suis là. Comment n'y avons-nous point pensé? La ruse de Jupiter sera la plus simple des ruses. Ce qu'il aime en vous, je le sens bien depuis que je vous connais, c'est votre humanité. Ce qui est intéressant avec vous, c'est de vous connaître en humaine, dans vos habitudes intimes et vos vraies joies. Or, pour y arriver, il n'est qu'un artifice. Prendre la forme de votre mari. Votre signe, mais ce sera un amphitryon, n'en doutez plus. Jupiter attendra la première absence de votre mari pour pénétrer chez vous et vous tromper. Vous m'effrayez. Amphitryon est absent. Absent de Thèbes? Il est parti hier soir pour la guerre. Quand revient-il? Une armée ne peut décemment faire une guerre de moins de 2 jours. J'en ai peur. D'ici ce soir, à Clumène, Jupiter forcera ses portes sous l'aspect de votre mari. Et vous vous donnerez à lui sans défiance. Je le reconnaîtrai. Pour une fois, un homme sera un ouvrage divin. Vous vous abuserez. Justement, il sera un amphitryon plus parfait, plus intelligent, plus noble. Je le haïrai à première vue. Il était un signe immense et je ne l'ai pas distingué du petit signe de mon fleuve. Une nouvelle maîtresse, une nouvelle imprévue. Amphitryon est là. Comment le savez-vous? Oui, le prince sera dans une minute au palais. Des remparts, je l'ai vu au galop de son cheval franchir les fossés. Aucun cavalier jamais ne les a franchis. Un bond lui a suffi. Il est seul? Seul. Mais on sent autour de lui un escadron invisible. Il rayonne. Il n'a pas cet air fatigué qu'il porte d'habitude au retour de la guerre. Le jeune soleil en pâlit. C'est un bloc de lumière avec une ombre d'homme. Que dois-je faire, maîtresse? Jupiter est autour de nous et mon maître s'expose à la colère des dieux. Je crois avoir perçu un coup de tonnerre au moment où il entrait dans le chemin de ronde. Va éclisser. Êtes-vous convaincu maintenant? Voilà, Jupiter, voilà le faux amphitryon. Eh bien, il trouvera ici la fausse Alcmène. De toute cette future tragédie de Dieu, chère Leda, grâce à vous, je vous en supplie, faisons un petit divertissement pour femmes. Vengeons-nous. Comment est-il, votre mari? Vous avez son portrait? Le voilà. C'est qu'il n'est pas mal. Il a ces beaux yeux que j'aime, où la prunelle est à peine indiquée, comme dans les statues. J'aurais adoré les statues, si elles savaient parler, être sensibles. Il est brun? Il ne frise pas, j'espère. Des cheveux mat, Leda, des ailes de corbeau. Stature militaire, rugueuse? Oh, mais certainement pas. Beaucoup de muscles, mais si souples. Vous ne m'en voudrez pas de vous prendre l'image du corps que vous aimez? Je vous le jure. Vous ne m'en voudrez pas de vous prendre un dieu que vous n'aimez pas? Il arrive, sauvez-moi. Elle est là, cette chambre? Elle est là. Il n'y a pas de degrés à descendre dans cette ombre. J'ai horreur des faux pas. Un seul lit, c'est plein. Le mur du divan n'est pas revêtu de marbre. De tapis de haute laine. Vous n'hésiterez pas au dernier moment. Je vous l'ai promis. Je suis très consciencieuse en amitié. Le voilà. Amusez-vous un peu de lui avant de me l'envoyer. Vengez-vous sur le faux amphitryon des chagrins que vous donnera un jour le vrai. Et vos chevaux, seigneur, que dois-je en faire? Ils sont épuisés. Je me moque de mes chevaux, j'en repars à l'instant. Il se moque de ses chevaux, ce n'est pas Amphitryon. C'est moi. Et non un autre, je le vois. Mais tu ne m'embrasses pas, chérie? Oh, un moment, si tu veux. Il fait si clair ici. Tout à l'heure, dans cette chambre. Tout de suite. La pensée seule de cette minute m'a lancé vers toi comme une flèche. Et fait escalader les rochers, franchir les rivières et enjamber le ciel. Non, non. Viens plutôt vers le soleil, que je te regarde. Tu n'as pas peur de montrer ton visage à ta femme? Tu sais qu'elle en connaît les moindres beautés, les moindres tâches. Le voici, chérie, et bien imité. Bien imité, en effet. Une femme habituelle s'y tromperait, tout y est. Ces deux rides tristes qui servent au sourire, cet évidement comique qui sert aux larmes. Et pour marquer l'âge, ce piétinement là, au coin des tempes, de je ne sais quel oiseau, de l'aigle de Jupiter, sans doute. Du noix, chérie. C'est ma patte d'oie. Tu l'embrasses d'habitude. Tout cela est bien mon mari. Il y manque pourtant les gratignures qu'il se fit hier. Curieux mari qui revient de la guerre avec une estafilade en moins. L'air est souverain pour les blessures. L'air des combats, cela est bien connu. Voyons les yeux. Cher Amphitryon, tu avais au départ de grands yeux gais et francs. D'où te vient cette gravité dans l'œil droit? D'où te vient dans l'œil gauche ce rayon hypocrite? Il ne faut pas se regarder trop en face entre époux si l'on veut s'éviter des découvertes. Viens. Un instant. Il flotte des nuages en ce regard que je n'avais jamais aperçu. Je ne sais ce que tu as ce soir, mon ami, mais à te voir, j'éprouve un vertige. Je sens m'envahir une espèce de science du passé, de préscience de l'avenir. Je devine les mondes lointains, les sciences cachées. Et toujours avant l'amour, chérie. Moi aussi. Ça passera. À quoi pense ce large front? Plus large que nature. À la belle Alcmène, toujours égale à soi. À quoi pense ce visage qui grossit sous mes yeux? À baiser tes lèvres. Pourquoi mes lèvres? Jamais tu ne me parlais autrefois de mes lèvres. À mordre ta nuque. Tu deviens fou. Jamais tu n'avais eu l'audace jusqu'ici d'appeler par leur seul nom un de mes traits. Je me le suis reproché cette nuit et je vais te les nommer tous. J'ai eu soudain cette idée faisant l'appel de mon armée et toutes devront aujourd'hui répondre à mon dénombrement. Paupières, gorge et nuque et dents. Tes lèvres. Voici toujours ma main. Qu'as-tu? Je t'ai piqué? C'était désagréable? Où as-tu couché cette nuit? Dans des ronces, pour oreiller un fagot de sarment qu'au réveil j'ai flambé. Il faut que je reparte dans l'heure, chérie, car nous livrerons la bataille dès ce matin. Viens. Que fais-tu? J'ai bien le droit de caresser tes cheveux. Jamais ils n'ont été aussi brillants, aussi secs. Le vent, sans doute. Ton esclave, le vent. Et quel crâne tu as soudain! Jamais je ne l'avais vu aussi considérable. L'intelligence, Alcmène. Ta fille, l'intelligence. Et cela, ce sont mes sourcils, si tu tiens à le savoir. Et cela, mon occiput. Et cela, ma veine jugulaire. Cher Alcmène, pourquoi frémis-tu ainsi en me touchant? Tu sembles une fiancée et non une femme. Qui t'a donné vis-à-vis de ton époux cette retenue toute neuve? Voilà qu'à moi aussi, tu deviens une inconnue. Et tout ce que je vais découvrir aujourd'hui sera nouveau pour moi. J'en ai la certitude. Ne souhaites-tu pas un cadeau? N'as-tu pas un vœu à faire? Je voudrais, avant de pénétrer dans cette chambre, que tu effleures de tes lèvres mes cheveux. Voilà. Oh, que fais-tu? Embrasse-moi de loin sur les cheveux, te dis-je. Voilà. Mais tu manques de paroles, suis-je chauve pour toi? Voilà, et maintenant je t'emporte. Une minute. Rejoins-moi dans une minute. Dès que je t'appelle, mon amant. Quelle épouse charmante. Comme la vie est douce qui s'écoule ainsi sans jalousie et sans risque. Et d'où ce bonheur bourgeois que n'effleure ni l'intrigue ni la concupiscence. Que je regagne le palais à l'aurore ou au crépuscule, je n'y découvre que ce que j'y cache et je n'y surprends que le calme. Je peux venir, Alcmène? Elle ne répond pas. Je la connais, c'est qu'elle est prête. Quelle délicatesse! C'est par son silence qu'elle me fait signe. Et quel silence! Comme il résonne. Comme elle m'appelle. Oui, oui, me voici, chérie. Et voilà, le tour est joué. Il est entre ses bras. Qu'on ne me parle plus de la méchanceté du monde. Un simple jeu de petite fille la rend anodine. Qu'on ne me parle plus de la fatalité, elle n'existe que par la veulerie des êtres. Ruse des hommes, désir des dieux ne tiennent pas contre la volonté et l'amour d'une femme fidèle. N'est-ce pas ton avis, Écho? Toi qui m'as toujours donné les meilleurs conseils? Qu'ai-je à redouter des dieux et des hommes? Moi qui suis loyale et sûre. Rien, n'est-ce pas? Rien? Rien? Tu dis? Il s'agit de quoi ce soir dans ta proclamation? Des femmes. Bravo. Du danger des femmes? De l'état naturel de fidélité où sont les épouses en temps de guerre. Pas extraordinaire. La proclamation risque cette fois d'être vraie. Notre guerre n'a duré qu'un jour. Lis-la vite. Ô Thébain! La guerre entre tant d'avantages... Silence! Alors, Alcmène se prépare. Je ne sais. Madame, des rumeurs assez fâcheuses circulent dans tête sur votre maîtresse et sur vous. On dit que par enfantillage ou par coquetterie, Alcmène affecte de ne pas apprécier la faveur de Jupiter et qu'elle ne songe à rien moins qu'à empêcher le libérateur de venir au monde. Oui, et que tu l'aides dans cet infanticide. Comment peut-on ainsi m'accuser? Avec quelle impatience je l'attends, moi, à cet enfant. Songe que c'est avec moi qu'il commencerait ses luttes qui sauveront la Terre. C'est moi pendant 10 ans qui jurais pour lui l'hydre, le minotaure. Quels cris peuvent bien pousser ces bêtes pour que je l'y habitue? Calme-toi. Parle-nous d'Alcmène. Il n'est vraiment pas décent pour Thèbes d'offrir aux dieux une maîtresse morose et rechignante. Est-il vrai qu'elle cherche un moyen de détourner Jupiter de son projet? J'en ai peur. Elle ne réfléchit pas que si elle le trouve, c'est Thèbes perdu, la peste et la révolte dans nos murs. Amphitryon lapidé par la foule, les femmes fidèles sont toutes les mêmes. Elles ne pensent qu'à leur fidélité et jamais à leur mari. Rassurez-vous, Sosie, le moyen, elle ne le trouvera pas. Jupiter ne se laissera pas détourner de son projet, car le propre de la divinité, c'est l'entêtement. Si l'homme savait pousser l'obstination à son point extrême, lui aussi serait déjà Dieu. Voyez les savants et les secrets divins qu'ils arrachent de l'air ou du métal, simplement parce qu'ils se butent. Jupiter est buté. Il aura le secret d'Alcmène. D'ailleurs, tout est prêt pour sa venue. Elle est fixée comme une éclipse. Tous les petits ébains se brûlent les doigts à noircir des éclats de verre pour suivre sans ophtalmie le bolide du dieu. As-tu prévenu les musiciens, les cuisiniers? J'ai préparé du samos et des gâteaux. Comme les nourrices ont le sens de l'adultère et pas celui du mariage. Tu n'as pas l'air de te douter qu'il s'agit non pas d'un rendez-vous clandestin, mais de noces, de vraies noces. Et l'assemblée, la foule, où est-elle? Jupiter exige une foule autour de chacun de ses actes amoureux. Qui comptes-tu convoquer à cette heure tardive? J'allais justement à la ville rassembler tous les pauvres, les malades, les infirmes, les disgraciés de la nature. Ma maîtresse veut qu'ils se massent sur le passage de Jupiter pour l'attendrir et le toucher. Rassembler pour fêter Jupiter les bossus et les boiteux. Lui montrer en un mot les imperfections du monde qu'il ignore. Mais ce serait l'exaspérer, vous ne le ferez pas. Je suis bien obligée, ma maîtresse l'ordonne. Elle a tort, et le trompette a raison. C'est un sacrilège que de prouver à notre créateur qu'il a raté le monde. Les amabilités qu'il a pour lui viennent de ce qu'il le croit parfait. S'il nous voit bancal et manchot, s'il apprend que nous souffrons de la jaunisse et de la gravelle, il sera furieux contre nous. D'autant plus qu'il prétend nous avoir créés à son image. On déteste les mauvais miroirs. Lui-même, par la voix céleste, a réclamé les infortunés parmi les Thébains. Il les aura. J'ai entendu la voix et me suis chargé tout à l'heure de ce soin. Il est seulement nécessaire que ces infortunés lui inspirent une haute idée de l'infortune humaine. N'ayez pas d'inquiétude, Sosie, tout sera prêt. J'ai justement amené toute une troupe spéciale de paralytiques. Des paralytiques n'ont pu monter jusqu'au palais? Elles sont parfaitement montées. Et vous allez les voir. Entrez, mes petites, entrez. Venez montrer vos pauvres membres au maître des dieux. Mais ce sont les danseuses! Elles sont les paralytiques. Du moins, elles le sont présentées comme telles à Jupiter. Elles représentent le point le plus bas de ce qu'ils croient l'impotence des hommes. Et j'ai là aussi, derrière les bosquets, une douzaine de chanteuses qui clameront les cantiques pour faire les muettes. Avec un supplément de quelques géants comme nains, nous aurons un public d'infortunés tel que Jupiter ne rougira pas d'avoir créé le monde et comblera le moindre désir de ta maîtresse et des Thébains. Par où vient-il? D'au soleil, ont dit les prêtres. Il ira aujourd'hui au couchant 2 épaisseurs de feu. Il faut qu'il voie en plein éclat le visage des boulangères. Vous les mettrez là, elles feront les lépreuses. Mais nous, monsieur le philosophe, qu'avons-nous à faire? À danser. Vous ne savez rien faire d'autre, j'espère. Quelle danse? La symbolique avec les décollés majeurs? Pas de zèle. N'oubliez pas que pour Jupiter, vous êtes des boiteuses. Oh, c'est pour Jupiter? Alors nous avons le pas de la truite avec sa cave qui imite la foudre. Ça le flattera. Ne vous faites pas d'illusions. Les dieux voient les danseuses d'en haut et non pas en bas. Ça suffit à expliquer pourquoi ils sont moins sensibles à la danse que les hommes. Jupiter préfère les baigneuses. Nous avons justement la danse dite des vagues, sur le plan supinal avec le surpassé des cuivres. Dis-moi, Sosie, quel est ce guerrier qui grimpe la colline? N'est-ce pas Amphitryon? En effet, c'est Amphitryon! Ciel, je tremble! Oui, moi, j'en suis point fâché. C'est un homme de jugement et de piété, il aidera à décider sa femme. Comme il court! Je comprends ça, beaucoup de maris tiennent épuiser leur femme pour qu'elle soit dans les bras du dieu qu'un corps sans âme. Allez mes filles, nous vous suivons pour préparer la musique. Enfin, grâce à nous deux, la cérémonie sera digne de l'hôte. Nous sommes arrivés juste à temps. Toi, Sosie, ta proclamation. Ô Thébain, la guerre entre tant d'avantages recouvre le corps de la femme, une cuirasse d'acier sans jointure, où ni le désir ni la main ne se peuvent glisser. Qu'allons-nous faire, Amphitryon? Qu'allons-nous faire, Alcmène? Tout n'est pas perdu puisqu'il a permis que tu le devances. À quelle heure doit-il être là? Dans quelques minutes, hélas, au coucher du soleil. Oh, je n'ose regarder là-haut. Toi qui vois les aigles avant qu'ils ne te voient, n'aperçois-tu rien dans le ciel? Un astre mal suspendu qui balance. C'est qu'il passe. Tu as un projet? Oh, j'ai ma voix, ma parole, Alcmène. Je persuaderai Jupiter, je le convaincrai. Oh, pauvre ami, tu n'as jamais convaincu que moi au monde. Et ce n'est point par des discours. Un colloque entre Jupiter et toi, c'est tout ce que je redoute. Tu en sortirais désespéré, mais me donnant aussi à Mercure. Alors, Alcmène, nous sommes perdus. Ayons confiance en sa bonté. À cette place où nous recevons les hôtes de Mars dans nos cérémonies, attendons-le. J'ai l'impression qu'il ignorait notre amour. Du plus profond de l'Olympe, il faut qu'il nous aperçoive ainsi, l'un près de l'autre, sur notre seuil. et que la vision du couple commence à détruire en lui l'image de la femme isolée. Prends-moi dans tes bras. Étreins-moi. Embrasse-moi en pleine lumière pour qu'il voie quel être unique forme deux époux. Toujours rien dans le ciel. Le zodiaque s'agite. Il en a heurté le fil. Je te donne le bras. Non, pas de lien factice et banal. Laisse entre nous deux ce doux intervalle, cette porte de tendresse que les enfants, les chats, les oiseaux aiment trouver entre deux vrais époux. Voilà que les prêtres donnent leur signal. Il ne doit plus être loin. Nous disons-nous adieu devant lui ou maintenant, Alcmène? Il faut tout prévoir. Tu as entendu? J'ai entendu. Tu n'as pas peur? Tu crois vraiment que la mort s'apprête pour nous? Non. Jupiter ne nous tuera pas. Pour se venger de notre refus, il nous changera bien plutôt d'espèce. Il nous retirera tout goût et toute joie commune. Il fera de nous des êtres différents. Un de ces couples célèbres par leur amour, mais séparés par leur race, plus que par la haine. Un rossignol et un crapaud, un saule et un poisson. Je m'arrête pour ne pas lui donner l'idée. Moi qui mange avec moins de plaisir si tu te sers d'une cuillère quand j'ai une fourchette. Lorsque tu respireras par des branchies et moi par des feuilles. Lorsque tu parleras par un coassement et moi par des roulades. Oh chérie, quel goût trouverai-je à la vie? Je te joindrai, je resterai près de toi. La présence est la seule race des amants. Ma présence? Et peut-être ma présence sera-t-elle bientôt pour toi la pire peine. Peut-être allons-nous à l'aube nous retrouver face à face dans ces mêmes corps, le tien intact, le mien privé de cette virginité pour Dieu que doit garder une femme sous tous les baisers du mari. Envisages-tu la vie avec cette épouse qui n'aura plus de respect d'elle-même, déshonorée fût-ce par trop d'honneur et flétrie par l'immortalité? Envisages-tu que toujours un tiers nom soit sur nos lèvres, indicible, donnant un goût de fiel à nos repas, à nos baisers? Moi pas. Quel regard auras-tu pour moi quand le tonnerre grondera, quand le monde s'emplira par des éclairs d'allusion à celui qui m'a souillé? Jusqu'à la beauté des choses créées, créées par lui, sera pour nous un rappel à la honte. Oh, plutôt ce changement en être primaire mais pur. Il y a en toi tant de loyauté, tant de bon vouloir à jouer ton rôle d'homme, que je te reconnaîtrai sûrement parmi les poissons ou les arbres, à ta façon consciencieuse de recevoir le vent, de manger ta proie ou de conduire ta nage. Le Capricorne s'est dressé, Alcmène, il approche. Adieu, Amphitryon. J'aurais pourtant bien aimé voir avec toi l'âge venir, voir ton dos se voûter, vérifier s'il est vrai que les vieux époux prennent le même visage, connaître avec toi les plaisirs de l'âtre, du souvenir, mourir presque semblable à toi. Ou si tu le veux, Amphitryon, goûtons ensemble une minute de cette vieillesse. Imagine que nous avons derrière nous non pas ces 12 mois de mariage, mais de très longues années. Tu m'as aimé, mon vieil époux. Toute ma vie. Tu n'as pas, vers nos noces d'argent, trouvé plus jeune que moi une vierge de 16 ans, à la fois timide et hardie, que ta vue et tes exploits tourmentaient, légère et ravissante. Un monstre, quoi. Et toujours, tu as été plus jeune que la jeunesse. Quand arriva la cinquantaine et que je fus nerveuse, riant et pleurant sans raison, lorsque je t'ai poussée, le ciel sait pourquoi, à voir certaines mauvaises femmes sous le prétexte que notre amour en serait plus vif, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas obéi, n'est-ce pas? Non. J'ai voulu que tu sois fière de nous deux quand viendrait l'âge. Aussi, quelle superbe vieillesse. La mort peut venir. Quelle mémoire sûre nous avons de ce temps éloigné. Et ce matin, Alcmène, où je revins à l'aube de la guerre pour t'étreindre dans l'ombre, te le rappelles-tu? À l'aube? Au crépuscule, veux-tu dire? Aube ou crépuscule, quelle importance l'a-t-il maintenant? À midi, peut-être. Je me rappelle seulement que ce jour-là, mon cheval franchit les fossés les plus larges et que dans la matinée, je fus vainqueur. Mais qu'as-tu, chérie, tu es pâle? Je t'en supplie, Amphitryon. Dis-moi si tu es venu au crépuscule ou à l'aube. Je te dirai tout ce que tu voudras, chérie. Je ne peux pas te faire de peine. C'était la nuit, n'est-ce pas? Dans notre chambre obscure, la nuit complète. Tu as raison. La mort peut venir. La mort peut venir, dites-vous. Ce n'est que Jupiter. Je vous présente Alcmène, seigneur, la récalcitrante Alcmène. Pourquoi cet homme près d'elle? C'est son mari, Amphitryon. Amphitryon? Le vainqueur de la grande bataille de Corinthe. Vous anticipez, il ne gagnera à Corinthe que dans 5 ans, mais c'est bien lui. Qui l'a appelé ici? Que vient-il faire? Seigneur, il vient vous offrir lui-même sa femme, sans aucun doute. Ne l'avez-vous pas vue du haut du ciel? La préparer, l'embrasser, lui donner, tourner vers vous par des caresses, cette excitation et cet apprêt qui porteront à sa réussite suprême votre nuit. Merci, prince. Mercure se trompe, seigneur. Ah, Mercure se trompe. Tu ne sembles pas en effet convaincu de la nécessité que cette nuit je m'étende près de ta femme et remplisse ta mission. Moi, je le suis. Moi, seigneur, non. L'heure n'est plus au discours, Jupiter, le soleil se couche. Son coucher ne regarde que lui seul. Si les dieux se mettent à engager avec les humains des conversations et des disputes individuelles, les beaux jours sont finis. Je viens défendre Alcmène contre vous, seigneur, ou mourir. Écoute, Amphitryon, nous sommes entre hommes. Tu sais mon pouvoir. Tu ne te dissimules pas que je peux entrer dans ton lit, invisible, et même en ta présence. Rien qu'avec les herbes de ce parc, je peux composer des filtres qui rendront ta femme amoureuse de moi et te donneront même le désir de m'avoir pour rival heureux. Ce conflit est donc, non pas un conflit de fond, mais hélas un conflit de forme, comme tous ceux qui provoquent les schismes ou les nouvelles religions. Il ne s'agit pas de savoir si j'aurai Alcmène, mais comment. Pour cette courte nuit, cette formalité, vas-tu entrer en conflit avec les dieux? Je ne puis livrer Alcmène, je préfère cette autre formalité, la mort. Comprends ma complaisance. Je n'aime pas seulement Alcmène, car alors je me serais arrangé pour être son amant sans te consulter. J'aime votre couple. J'aime, au début des ères humaines, ces deux grands et beaux corps sculptés à l'avant de l'humanité comme des proues. C'est en ami que je m'installe entre vous deux. Vous y êtes déjà et déjà vénéré. Je refuse. Tant pis pour toi. Ne retarde plus la fête, Mercure. Convoque la ville entière. Puisqu'il nous y force, fais éclater la vérité, celle de la nuit d'hier et celle d'aujourd'hui. Nous avons des moyens divins de convaincre ce couple. Les prodiges ne convainquent pas un général. C'est ton dernier mot? Tu tiens à engager la bataille avec moi? S'il le faut, oui. Je pense que tu es un général suffisamment intelligent pour ne t'y hasarder qu'avec des armes égales aux miennes. C'est l'ABC de la tactique. J'ai ces armes. Quelles armes? J'ai Alcmène. Eh bien, ne perdons pas une minute. Je les attends de pied ferme, tes armes. Je te prie même de me laisser avec elles. Viens ici, Alcmène. Vous deux, disparaissez. Enfin seul. Tu ne crois pas si bien dire, nous sommes dans l'heure où tu seras à moi. Alors ma dernière heure. Cesse ce chantage. Il est indigne de nous deux. Oui, nous voilà en effet pour la première fois face à face. Moi sachant ta vertu, toi sachant mon désir. Enfin seul. Vous êtes souvent seul ainsi, à ce que dit votre légende? Rarement aussi amoureux, Alcmène. Jamais aussi faible. D'aucune femme je n'aurais supporté ce dédain. Le mot amoureux existe? Dans la langue des dieux? Je croyais que c'était le règlement suprême du monde qui les poussait, vers certaines époques, à venir mordiller les belles mortelles au visage. Règlement est un bien gros mot, disons fatalité. Et la fatalité sur une femme aussi peu fatale qu'Alcmène ne vous rebute pas? Tout ce noir sur ce blond? Tu lui donnes pour la première fois une couleur d'improviste qui me ravit. Tu es une anguille en mes mains. Un jouet dans les vôtres? Oh, Jupiter, vraiment vous plaisais-je? Si le mot plaire ne vient pas seulement du mot plaisir, mais du mot biche en émoi, du mot amande en fleur, Alcmène, tu me plais. C'est ma seule chance. Si je vous déplaisais tant soit peu, vous n'hésiteriez pas à m'aimer de force pour vous venger. Moi, je te plais? En doutez-vous. Aurais-je à ce point le sentiment de tromper mon mari avec un dieu qui m'inspirerait de l'aversion? Ce serait pour mon corps une catastrophe. Mais je me sentirais fidèle à mon honneur. Mais tu me sacrifies parce que tu m'aimes. Tu me résistes parce que tu es à moi. C'est là tout l'amour. Tu obliges ce soir l'Olympe à parler un langage bien précieux. Cela ne lui fera pas de mal. Il paraît qu'un mot de votre langage le plus simple, un seul mot tellement il est brutal, détruirait le monde. Thèbes ne risque vraiment rien aujourd'hui. Pourquoi faut-il qu'Alcmène risque davantage? Pourquoi faut-il que vous me torturiez, que vous brisiez un couple parfait? Que vous preniez un bonheur d'un instant et laissiez des ruines. C'est là tout l'amour. Et si je vous offrais mieux que l'amour? Vous pouvez goûter l'amour avec d'autres. Mais je voudrais créer entre nous un lien plus doux encore et plus puissant. Seule de toutes les femmes, je puis vous l'offrir. Je vous l'offre. Et c'est? L'amitié. Amitié? Quel est ce mot? Explique-toi. Pour la première fois, je l'entends. Vraiment? Oh, alors je suis ravie. Je n'hésite plus. Je vous offre mon amitié. Vous l'aurez vierge. Qu'entends-tu par là? C'est un mot courant sur la Terre. Le mot est courant. Amitié. Il est vrai que de si haut, certaines pratiques des hommes nous échappent encore. Je t'écoute. Lorsque des êtres se cachent comme nous à l'écart, mais pour tirer des pièces d'or de vêtements en loques, les compter, les embrasser, est-ce là l'amitié? Non, c'est l'avarice. Ceux, quand la lune est pleine, qui se mettent nus, le regard fixé sur elle, passant les mains sur leur corps et se savonnant de son éclat, Ce sont là les amis? Non, ce sont les lunatiques. Parle clairement. Et ceux qui, dans une femme, au lieu de l'aimer elle-même, se concentrent sur un de ses gants, une de ses chaussures, la dérobent et usent de baiser cette peau de bœuf ou de chevreau. Amis encore? Non, sadiques. Alors décris-la-moi, ton amitié. C'est une passion. Folle. Quel est son sens? Son sens? Tout le corps moins un sens. Mais nous le lui rétablirons par un miracle. Son objet. Elle accouple les créatures les plus dissemblables et les rend égales. Je crois maintenant comprendre. Parfois, de notre observatoire, nous voyons les êtres s'isoler en groupe de deux dont nous ne percevons pas la raison, car rien ne semble devoir les accoler. Un ministre qui tous les jours rend visite à un jardinier. Un lion dans une cage qui exige un caniche. Un marin et un professeur. Un oslo et un sanglier. Et ils ont l'air en effet complètement égaux. Et ils avancent de front vers les ennuis quotidiens et vers la mort. Nous en venions à penser ces êtres liés par quelques compositions secrètes de leur corps. C'est très possible. En tout cas, c'est l'amitié. Je vois encore cet oslo. Il bondissait autour de son cher sanglier. Puis, dans un olivier, il se cachait. Et quand le marcassin passait, grognant près des racines, se laissait tomber, tout velours sur les soies. Oui, les oslos sont d'excellents amis. Le ministre, lui, faisait dans une allée les 100 pas avec le jardinier. Il parlait des greffes, des limaces. Le jardinier, des interpellations, des impôts. Puis, chacun ayant dit son mot, il s'arrêtait au terme de l'allée, le sillon de l'amitié sans doute tracé jusqu'au bout, et se regardait un moment bien en face, clignant affectueusement l'œil et se lissant la barbe. Toujours les amis. Et que ferons-nous si je deviens ton ami? D'abord, je penserai à vous, au lieu de croire en vous. Et cette pensée sera volontaire, due à mon cœur, tandis que ma croyance était une habitude, due à mes aïeux. Mes prières ne seront plus des prières, mais des paroles. Mes gestes rituels, des signes. Cela ne t'occupera pas trop? Oh non, l'amitié du dieu des dieux, la camaraderie d'un être qui peut tout détruire et tout créer, c'est même le minimum de l'amitié pour une femme. Aussi les femmes n'ont-elles point d'amis. Et moi, que ferais-je? Les jours où la compagnie des hommes m'aurait excédé, je vous verrais apparaître silencieux. Vous vous assieriez très calme sur le pied de mon divan, sans caresser nerveusement la griffe ou la queue des peaux de léopard, car alors ce serait de l'amour. Et soudain, vous disparaîtriez. Vous auriez été là. Vous comprenez? Je crois que je comprends. Jupiter, puisque vous êtes maintenant mon ami, parlez-moi franchement. Vous êtes bien sûr que jamais vous n'avez été mon amant? Pourquoi cette question? Vous vous êtes amusé tout à l'heure avec Amphitryon. Il n'y a vraiment pas eu de lutte entre son amour et votre désir. C'était un jeu de votre part. Vous aviez d'avance renoncé à moi. Ma connaissance des hommes me pousserait à croire que c'est parce que vous avez déjà eu satisfaction. Déjà? Qu'entends-tu par déjà? Vous êtes sûr que vous n'êtes jamais entré dans mes rêves? Que vous n'avez jamais pris la forme d'Amphitryon? Tout à fait sûr. Peut-être aussi cela vous a-t-il échappé. Oh, ce n'est pas étonnant. Avec tant d'aventures... Alcmen. Alors, tout cela ne prouve pas un grand amour de votre part? Évidemment, je n'aurais pas recommencé, mais... dormir une fois près de Jupiter, cela aurait été un souvenir pour une petite bourgeoise. Tant pis. Cher Alcmen, tu me tends un piège. Un piège? Vous craignez donc d'être pris? Je lis en toi, Alcmen. J'y vois ta peine, tes dessins. J'y vois que tu étais résolu à te tuer si j'avais été ton amant. Je ne l'ai pas été. Prenez-moi dans vos bras. Volontiers, petite Alcmen. Tu t'y trouves bien? Oui. Oui, qui? Oui, Jupiter, chéri. Ah, voyez, cela vous semble tout naturel que je vous appelle Jupiter, chéri. Tu l'as dit si naturellement. Pourquoi justement l'ai-je dit de moi-même? C'est ce qui m'intrigue. Et cet agrément, cette confiance que ressent pour vous mon corps, d'où vient-il? Je me sens à l'aise avec vous, comme si cette aise venait de vous. Mais oui, nous nous entendons très bien. Non, nous nous entendons mal. Sur beaucoup de points, à commencer par votre création d'ailleurs, et à continuer par votre habillement. Je n'ai pas du tout vos idées. Mais nos corps s'entendent. Nos deux corps sont encore aimantés l'un vers l'autre, comme ceux des gymnastes après leur exercice. Quand a eu lieu notre exercice? Avouez-le-moi. Jamais, dis-je. Alors d'où vient mon trouble? C'est que malgré moi, dans tes bras, je me sens porté à prendre la forme d'Amphitryon. Ou bien, peut-être, que tu commences à m'aimer. Non, c'est le contraire d'un début. Ce n'est pas vous qui êtes entré tout brûlant dans mon lit après le grand incendie de Thèbes? Ni tout mouillé le soir où ton mari repêcha un enfant. Ah, vous voyez, vous le savez. Mais ne sais-je pas tout ce qui te concerne? Hélas, non. C'était bien ton mari. Quelle douche. Il me semble que ce n'est pas la première fois que vous arrangez cette mèche de cheveux. Ou que vous vous penchez sur moi ainsi. C'est à l'aube ou au crépuscule que vous êtes venu et m'avez prise? Tu le sais bien, c'est à l'aube. Crois-tu que ta ruse de Léda m'est échappée? J'ai accepté Léda pour te plaire. Oh, maître des dieux, pouvez-vous donner l'oubli? Je peux donner l'oubli, comme l'opium, rendre sourd, comme la valériane. Les dieux entiers dans le ciel ont à peu près le même pouvoir que les dieux épars dans la nature. Que veux-tu donc oublier? Cette journée. Certes, je veux bien croire que tout s'y est déroulé correctement et loyalement de la part de tous, mais il plane sur elle quelque chose de louche qui m'oppresse. Je ne suis pas femme à supporter un jour trouble, fût-ce un seul dans ma vie. Tout mon corps se réjouit de cette heure où je vous ai connue, et toute mon âme en éprouve un malaise. N'est-ce pas le contraire de ce que je devrais ressentir? Donnez à mon mari et à moi le pouvoir d'oublier cette journée, à part votre amitié. Qu'il en soit fait comme tu le désires. Reviens dans mes bras, le plus tendrement que tu pourras cette fois. Soit, puisque j'oublierai tout. Cela est même nécessaire, car ce n'est que par un baiser que je peux donner l'oubli. C'est sur les lèvres aussi que vous allez embrasser Amphitryon? Puisque tu vas tout oublier, Alcmen, ne veux-tu pas que je te montre ce que sera ton avenir? Dieu m'en garde. Il sera heureux, crois-moi. Je sais que c'est un avenir heureux. Mon mari aimé vivra et mourra. Mon fils chéri naîtra, vivra et mourra. Je vivrai et mourrai. Et pourquoi ne veux-tu pas être immortel? Je déteste les aventures. C'est une aventure, l'immortalité. Alcmen, cher ami, je veux que tu participes, fût-ce une seconde, à notre vie de Dieu. Puisque tu vas tout oublier, ne veux-tu pas, en un éclair, voir ce qu'est le monde et le comprendre? Non, Jupiter, je ne suis pas curieux. Alors, oublie tout, excepté ce baiser. Quel baiser? Ah, pour le baiser, ne me raconte pas d'histoire. J'ai justement pris soin de le placer en deçà de l'oubli. Oui, Thèbes entière est au pied du palais, Jupiter. Et en tant que vous vous montriez au bras d'Alcmen. Venez là, Jupiter. Nous serons vus de tous et tous seront contents. Ils demandent quelques phrases de vous, Jupiter. N'hésitez pas à leur parler très fort, ils se sont mis de profil, de façon à ce que leurs tympans ne subissent aucun dommage. Enfin, je te rencontre. Cher Alcmen. Oui, il va falloir nous quitter, cher Jupiter. Notre nuit commence, fertile pour le monde. Notre jour finit, ce jour que je me prenais à aimer. Devant ces magnifiques et superbes Thébains. Cette triste sire qui acclame ce qu'il croit ma faute et insulterait à ma vertu. Je t'embrasse en bienvenue pour la première fois. Et moi pour la troisième en adieu éternel. Et maintenant? Et maintenant que la légende est en règle comme il convient aux dieux. Réglons au-dessous d'elle l'histoire par des compromissions comme il convient aux hommes. Personne ne nous voit plus. Dérobons-nous aux lois fatales. Tu es là, Amphitryon? Je suis là, Alcmen. Remercie Jupiter, chérie. Il tient à me remettre lui-même intact entre tes mains. Les dieux seuls ont de ces attentions. Il voulait nous éprouver. Il demande seulement à ce que nous ayons un fils. Nous l'aurons dans 9 mois, Seigneur, je vous le jure. Et nous vous promettons de l'appeler Hercule, puisque vous aimez ce nom. Ce sera un petit garçon doux et sage. Oui, je le vois d'ici. Adieu donc, Alcmen, sois heureuse. Et toi, Mercure, maître des plaisirs, avant que nous quittions ces lieux, pour leur prouver notre amitié, donne la récompense qui convient à 2 époux qui se retrouvent. À 2 époux qui se retrouvent. Ma tâche est simple. Pour assister à leurs ébats, je convoque et tous les dieux, et toi, Léda, qui as encore à apprendre, et vous, braves gens, qui avez été dans cette journée à la fois le personnel subalterne de l'amour et de la guerre, écuyer, guerrier et trompette. Ouvrez large vos yeux, et qu'autour du lit, pour étouffer leurs cris, résonnent chants, musique et foudre. Oh, Jupiter, daignez l'arrêter, il s'agit d'Alcmen. Encore d'Alcmen? Il s'agira donc toujours d'Alcmen aujourd'hui. Alors, évidemment, Mercure se trompe. Alors, c'est l'aparté des apartés, le silence des silences. Alors, disparaissons, dieux et comparses, vers nos zéniths et vers nos caves. Vous tous, spectateurs, retirez-vous sans mot dire, en affectant la plus complète indifférence. Qu'une suprême fois, Alcmène et son mari apparaissent seuls dans un cercle de lumière, où mon bras ne figurera plus que comme un bras indicateur pour indiquer le sens du bonheur. Et sur ce couple, que l'adultère n'effleura et n'effleurera jamais, auquel ne sera jamais connue la saveur du baiser illégitime, pour clore de velours cette clairière de fidélité, vous là-haut, rideau de la nuit qui vous contenez depuis une heure, retombez.